Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Cinéma, épisode numéro 33, enregistré le 18 juillet 2019. Ça fait à peu près plus d'un an qu'on a pu enregistrer de Parlons Cinéma, voilà, parce que on a pas oublié, hein, c'est juste que il manque de temps, manque de moyens, manque, voilà tout ça. Moi j'avais envie de reparler de l'actu parce que j'étais complètement déconnecté, je me suis rendu compte que j'avais plus, enfin je savais plus de, pas, les bandes annonces, je les découvrais de nouveau au cinéma. Donc voilà, il fallait quand même que je donne mon avis sur certains trucs, parce que il y a des trucs qui vont pas au cinéma, il faut en parler. Non, il y a des trucs qui vont aussi. Mais du coup, voilà. Je suis très content de revenir pour parler au cinéma. Et j'ai le plaisir d'avoir en première invité pour cette nouvelle émission, Eddy. Salut. Salut. Comment tu vas? Ça va. Ouais, on a parlé pendant 40 minutes avant de commencer l'enregistrement. Oui. On parlait de jeux vidéo, voilà, si vous voulez savoir. Évidemment. Parce qu'on passe nos jours devant le PC au lieu d'aller prendre le soleil dehors. C'est tout à fait ça. Ouais. On va quand même dans les salles de cinéma, puisqu'on vous, enfin, on vous a prévu un hors-série bilan de l'été qui sortira fin août, début septembre. On parlera quand même de quelques petits films qui sont sortis, notamment Toy Story 4, je suis impatient de... Voilà, oui, un petit film comme ça. Voilà. Un petit Pixar. Voilà. Il y a d'autres choses, il y a genre le Roi Lion, il y a Dora et la Cité Perdue. Oui. Voilà, non, mais il y a tous les films que Morgane va aller voir parce que. Dora, Morgane, il va penser voir ça. Oui. Et puis moi, du coup, maintenant que j'ai ma carte UGC illimitée, peut-être que je me tenterai à aller voir Dora. Qui sait. Parce que voilà, pourquoi pas, si j'ai du temps à perdre. Voilà, donc. Parlons cinéma pour rappeler le principe de l'émission. C'est, on va parler des actualités du cinéma, justement, qui ont fait le buzz, entre guillemets, pendant un mois, donc du 15 juin au 15 juillet, du coup, et on fonctionne toujours comme ça, à peu près, sur le milieu du mois, pour enregistrer et publier le podcast, voilà. Donc, actualité du 15 juin au 15 juillet, on commence avec la première news, Sans un bruit 2, du coup, qui sera toujours écrit et réalisé par John Krasinski, qui avait réalisé le premier et qui a été un grand carton en salle en 2018, puisqu'il a généré 340 millions de dollars de recettes au box-office mondial pour un budget de 17 millions. Et du coup, on a appris un peu plus sur ce film qui devrait sortir début mars 2020 aux États-Unis. Dans une interview donnée au site The Observer, Brian Tyree Henry, qui est une future co-star du coup du film, a dévoilé quelques détails en disant qu'on en verrait plus sur la famille Abbott qui faisait le point principal du film, du premier film, et on va découvrir aussi qu'ils sont pas la seule famille à survivre dans ces conditions, et aussi l'origine et du pourquoi et du comment tout cela est arrivé. On rappelle que Sans un bruit, c'est un film d'épouvante où le principe c'était qu'il y avait des monstres on ne sait pas pourquoi, d'où ils viennent, qui se basaient sur l'audition, et du coup dès qu'on faisait un bruit, ils venaient pour tuer ou manger ou je sais pas quoi. Pour se nourrir. Hein. Voilà, c'est ça. Donc c'est clairement un film. Après, c'est ce qui faisait aussi le charme, je sais pas, mais c'est ce qui faisait aussi le. Le mystère participait vraiment aussi à ça. À l'ambiance. C'est ce qui était intéressant aussi. Ouais. Le fait qu'on ne sache pas tout. Oui, c'est un peu comme dans les films d'invasion de zombies, en fait. Voilà, c'est juste. Dans The Walking Dead, par exemple, dans la série, au début, c'est vrai que. On ne sait pas d'où viennent les rôdeurs. Et en fait, au départ, on se dit « Oui, c'est con, on ne sait pas d'où ils viennent. » Mais au fur et à mesure, finalement... Étant donné que ça donne à la série... ça confère un contexte où finalement, ce n'est pas des zombies qu'on a peur, mais des humains. Parce que une terre ravagée avec une invasion, ça n'empêche pas les humains de se déchirer, Ouais. on se rend compte que c'est pas le sujet principal. Après, sans un bruit, c'est un petit peu différent, parce que c'est quand même plus sur la survie. Ouais. C'est pas une, c'est une famille qui essaie de vivre sa vie malgré tout, mais ils sont quand même tout le temps dans la crainte de se faire avoir par les bestioles, quoi. Oui, voilà, Donc c'est vrai que pour le coup, c'est peut-être bien quand même de l'expliquer, même si c'est vrai que dans Je le sais pas fond... si on avait besoin, en fait. C'est ça le truc, c'est parce que... Après, de dire d'où ils viennent, bon, pourquoi pas, mais peut-être pas trop en dire non plus, quoi. Oui, voilà, c'est ça, parce Il que... faut pas nous faire un exposé sur l'origine des monstres, en fait. Le souci, enfin, ce à quoi ils s'exposent en faisant ça, c'est justement de décevoir une partie du public qui avait apprécié le film, justement pour son mystère autour de ça, parce que de toute façon, c'est toujours plus impressionnant quand quelque chose est mystérieux et que le spectateur se fait une idée de où ça peut venir, de quelle origine, etc. Puisqu'il y en aura, sûrement qui seront déçus parce qu'ils auront imaginé quelque chose qui ne sera pas la réalité, du coup, dans ce 2, quoi. Et bon, moi, j'étais pas le plus grand fan de Sans un bruit, j'ai trouvé ça sympathique, mais voilà, il y avait des problèmes dans le film qui me dérangeaient. Je suis pas contre un 2. Parce que c'est... Mais en fait, je vois pas l'intérêt de faire un préquel, en fait. Parce que... Non, moi je pense que l'autre film se suffisait à lui-même. Après, ça m'intéressera quand même de voir la suite malgré tout, parce que j'ai bien aimé l'autre. Oui, voilà, J'ai c'est bien aimé ça. le premier, donc forcément, forcément, ça ne me gêne pas, quoi. Mais après, effectivement, est-ce que c'était utile de faire une suite à Sans un bruit? Pas forcément. Oui, Je voilà. pense qu'il, enfin, il, le la réalisation montrait suffisamment de trucs pour justement nous donner envie peut-être de voir le travail de Krasinski sur autre chose aussi. Voilà, c'est ça. On l'attendait plus sur un autre film, même pas un film d'horreur, hein, Non, spécialement. non, même. Ah non, Voilà. parce que je pense qu'il a, il a de bonnes capacités à faire des films dramatiques aussi. Oui, bien sûr. Donc, Même des thrillers, pourquoi pas. voilà, pourquoi pas. Et c'est un peu dommage. Mais en fait, je pense qu'il a été obligé, vu le succès, en Oui, fait, voilà, tout simplement. c'est ça. Et c'est pas parce qu'il fait une suite que ça veut dire qu'il fera rien d'autre Voilà. non plus. Et moi, c'est un peu l'aspect où j'ai peur, justement, c'est qu'il a été obligé peut-être de faire une suite parce que ça a rapporté beaucoup d'argent et qu'il a peut-être pas prévu d'explications ou de choses comme ça. Et du coup, il va devoir inventer quelque chose qui devrait satisfaire tout le monde. Ça, c'est C'est impossible ça. de satisfaire tout le monde, C'est mais un en peu tout le cas, problème des suites, souvent, voilà, oui. la plus grande partie du public. Et du coup, ça, voilà. On en reparlera tout à l'heure, d'ailleurs, Oui, sur une autre bande-annonce aussi, oui. qui, moi, Ouais. m'a un peu interpellé, parce que ça va un peu à l'encontre de Mmh. ce que le premier film faisait, mais on en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais en tout cas, voilà, pourquoi pas une suite. De toute façon, on en saura plus. Déjà, on aura une bande-annonce qui dévoilera un peu plus sur tout ça, sur le synopsis directement du film. Ben voilà, rendez-vous en mars 2020, du coup, pour ce Sans un bruit 2. Voilà. Alors, une news, j'ai hésité à la mettre, mais en même temps, le truc, c'est que... Suis Déjà, jamais contre un peu d'humour, mais c'est vrai que là, voilà. c'est pas la meilleure blague que tu nous aies faite. Alors, je pense que c'est en fait, c'est bon. Je vais dire tout de suite. c'est même dur à expliquer en fait. Un film touche pas à mon poste va voir le jour. Voilà. Ça a été annoncé par Cyril Hanouna. Donc, si vous ne connaissez pas Touche pas à mon poste, c'est une émission sur Vous la vivez dans chaîne. une grotte déjà, Voilà, probablement. la chaîne de télévision C8, voilà. La nouvelle grande chaîne. Voilà, exactement. Quelle connerie. Et donc, d'abord, je vais dire ce qui a été annoncé, et après, voilà, je viendrai sur pourquoi j'ai choisi cette news. Donc, Cyril Hanouna a annoncé durant son émission que le tournage se ferait cet été. Avec des comédiens du coup qui seront chargés d'incarner à l'écran les chroniqueurs du talk show, donc Jean-Michel Maire, Valérie Benaïm, Gilles Verdez, voilà. Apparemment c'est en développement depuis plusieurs années et un script était alors rédigé par l'ex-membre de la bande Jean-Luc Lemoyne. Le projet semble prêt à aboutir, bien qu'il... Il en fait plus partie, le moine. Non, D'accord. apparemment. Voilà. Je suis le premier informé. Hein. D'accord, ok. Donc mais c'est bien, c'est très bien. Oui, voilà, en fait, c'est ça. C'est un petit espoir dans... Parce que Jean-Luc Lemoyne est loin d'être bête. Et, non. Je trouvais que c'était un peu réducteur, en fait, de se cantonner à cette émission. Quoi. Voilà, oui. Parce que son spectacle est plutôt drôle, d'ailleurs. Non, mais moi, j'aime beaucoup ce que fait Jean-Luc Lemoyne. Même quand c'est particulier, hein, faut aimer, mais j'aime bien. Oui, c'est pareil. Donc, on ne sait pas si le film sera une fiction qui revisite les origines de l'émission ou si c'est un scénario totalement imaginé pour l'occasion. Mais en tout cas, on sait que mais ça va être ils vont vouloir partir dans un délire bien à eux, hein, je pense. Ouais, je pense. Et du coup, on sait... Faut pas s'attendre à... Non. Oui. On sait que ce n'est pas un film qui sera en caméra cachée comme Les 11 commandements ou les choses comme ça. Film. Voilà, ce sera un vrai film, voilà. Sur Allociné, la news finit par « Alors touche pas à mon poste, le film d'Arka Urasra ouais. ». les habitués reconnaîtront. Je connais, je sais même, même pas la référence. C'est un truc qui dit, je sais même plus à quoi ça correspond, mais bref. Mm-hmm. Voilà. Alors, c'est clair que en entendant cette news, on peut, c'est très facile de vanner tout ça, de se dire ah là là, qu'est-ce que ça va être nul, mais qu'est-ce qu'ils inventent encore. Alors il y a ça, mais moi je me fais une autre réflexion derrière quand même. Hein. Mm-hmm. C'est que tu te dis attends, si on est prêt à produire en fait c'est ça moi qui me désole un peu, c'est qu'on est prêt à produire. Alors déjà moi ce qui me gonfle, c'est qu'on est bon, il y a plusieurs trucs qui me gonflent. Et une chose c'est que bon, on est prêt à produire ça. Mm. Qui artistiquement, déjà, je ne suis pas sûr que ça soit un apport conséquent au cinéma français, en tout cas. Oui. Et c'est surtout qu'on est prêt à produire, en fait, le film qui va parler de l'histoire d'un mec et de sa bande, mais l'histoire d'un mec, déjà, qui, selon moi, ne devrait plus être à l'antenne depuis longtemps, étant donné toutes les saisies qu'il y a eu contre lui par le CSA. Et puis, voilà, Cyril Hanouna, il a été trop loin sur plein de trucs. Il ne devrait plus avoir le droit, en fait, de faire de la télé, ou en tout cas pas d'animer une émission qui a autant de visibilité et qui malheureusement, fonctionne si bien à l'écran. Ouais. Parce que ça, clairement, ça endort les masses, quoi. Hein. C'est hyper abrutissant, je trouve. Hein. On aura beau me dire, ouais, mais c'est pour se détendre et tout, mais je suis désolé. Hein. Tu peux te détendre devant des trucs... con, je dis pas. Hein, Moi, j'adore, par exemple, c'est vrai que moi, pour me détendre, je sais pas, tu me mets des épisodes de Kaamelott, il y a pas de problème. Hein. Ouais. Il y a des épisodes de Kaamelott qui sont super cons. Oui. Même de Caméra Café, quoi. Mm. Mais c'est écrit, il y a quelque chose, quoi. C'est pas juste des blagues où on met des pattes dans le slip de son voisin. Voilà, quoi. Enfin, ça va au-delà de ça. C'est quand même plus intéressant, quoi. Mm. Oui. Donc, non mais c'est clair. Donc c'est... Hanouna qui règne sur son petit royaume, déjà qu'à la télé c'est gonflant, je me dis en film ça va être ouais. Donc voilà, moi ça m'emmerde un peu et surtout je me dis fais chier parce que il y a plein de mecs avec des projets intéressants qu'on produira jamais en fait. Parce que des conneries comme ça leur passent devant. Ouais. Voilà. Ouais. Donc oui non c'est un peu désolant voilà justement pour l'état du cinéma français. Je pense que l'adjectif n'est pas faible là. Oui. voilà alors pour moi j'ai quand même une part de curiosité un peu malsaine à voir ce que ça va donner en fait. Bah, il faut bien remplir les flops. Voilà. Hein. Mais oui, bien sûr, c'est clair. Mais on fait plus la recommandation peu recommandable. Non, c'est vrai. On va peut-être s'y remettre. En fait. On va s'y remettre. Là, il y a tellement de choses à donner. Non, mais du coup. Non, je pense que la minute nerd a plus d'intérêt quand même. Oui, c'est vrai. Je préfère aussi. Surtout si je dois me retaper Dragon Ball ou des choses comme ça. Ouais, non. Ou Spawn. Gamer là. Ouais, ah gamer. Oui, ouais, Gamer. Oh la vache. Putain. Alors écoutez les anciennes émissions de Mouvou. Ah, non mais ouais. Pour moi c'était, enfin peut-être ouais la boîte ou Spawn c'était un des pires franchement. Ah ouais, enfin, ouais. C'était pas. Non mais c'était vraiment ceux de Morgane qui étaient vraiment à se défenestrer quoi vraiment. Ah bah, oh oui. À cela de la fenestrer peut-être. Non, mais voilà quoi. Désolé Morgane, hein, si t'écoutes. Désolé. Mais... je sais que il nous entend pas, il est en voilà. Italie. Oui, oui. Il est à Rome en ce moment. Ouais, on a mangé des pâtes, il a découvert que la mozzarella, finalement, c'était excellent. Enfin, bref. non, mais en même temps, on parle de TPMP, voilà, on pense un peu à lui. Bah oui, c'est l'association d'idées, là. Voilà. Non, voilà, j'ai une petite curiosité quand même à savoir, sachant que je ne sais pas si c'est produit par... Enfin, j'espère pas justement que c'est produit par le CNC et que c'est plutôt produit par Cyril Hanouna avec ses sous et tout ça. Je pense que ce sera par Urban EJ, non, qui produit... Enfin, je ne sais plus s'ils produisent toujours... touche pas à mon poste, mais... Qui a une boîte de... Bunny J. Ah oui, oui, voilà, c'est la boîte de prod de Cyril Hanouna, il me semble. Donc, j'espère que ça va être, sachant qu'il a de quoi payer pour faire film largement, et surtout que je pense qu'il va renflouer les caisses avec ce film, que voilà. Production à l'antenne, tout le monde a son mot à dire. Ch'tis, les Marseillais. Ah, une saison aux zoo, c'est eux qui produisent quand même. Ouais. C'est peut-être la meilleure émission. Hein. Mais voilà. Non, ils produisent pas, touche pas à mon poste. Ah bon? Bah. Ah bon? C'est de Alexia Laroche-Joubert, cette. Bani J Group, alors peut-être? Je ne sais plus. En tout cas, c'est un groupe. Bah non, c'est en Allemagne et tout. Bon. Bon, on est mauvaise langue alors. Ouais. Bon, voilà, bon, ben, bah, voilà. Mais à coup le pas. Non, mais en tout cas, tout ce que je voulais dire, c'était que Cyril Hanouna produise le film, voilà, avec sa boîte de prod, machin, et que le CNC ne donne pas de sous à ça. Enfin, voilà, c'est tout ce que j'espère en tout cas, et qu'ils engagent leurs sous dans des trucs, vers des gens qui ont vraiment besoin d'argent et qui ont vraiment des bonnes idées, quoi. Ouais. Voilà. On va passer tout de suite à une autre news parce que voilà, c'était juste pour dire ça, hein. On est resté beaucoup trop longtemps là-dessus. Un truc beaucoup plus réjouissant quand même. Oui. Voilà, même donc Pixar. Oh bah, ultra réjouissant, ah oui, non, je mais, pense. Voilà. Oui. Donc, Pixar a annoncé que après Toy Story 4, les suites c'était fini pour l'instant. Voilà, pour oui. Le moment, place aux projets originaux. Même non, il faut qu'ils nous fassent des suites. Avec beaucoup d'années d'écart, comme les Indestructibles 2. Ah oui, alors Vice-Versa, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, il y aura un potentiel énorme pour ouais, mais voilà. Mais il faut faire des... Ouais, comme les Indestructibles, par exemple. Le là, monde de Dory, eu... voilà. Ouais. Enfin, non, il n'était pas ouf, d'accord, mais... Mais non, c'est pas... Non, mais c'est... Ah, c'est... moi, j'aime bien. Oui, oui. Non, non, bien sûr. C'est non, un mais... film que je revois avec plaisir, quand même. Ce que tu disais... Oui, oui, moi aussi. Mais ce que tu disais, c'est qu'il faut des années d'écart entre les... C'est ça. Voilà. Mm. Et justement, voilà. Non, c'est... Dory, c'est plus le scénario qui est un petit peu facile, quoi. C'est mais vrai. Ça n'empêche pas que c'est un... Ouais, c'est mignon, quoi. C'est... Puis les... Enfin, c'est les personnages qui sont super attachants, en fait. Oui, c'est totalement ça. Donc, voilà. Place aux projets originaux. Donc... Mm. En 2020, donc en fait, on n'était pas, enfin, on n'avait pas d'émission en mars, mais Pixar a annoncé que en avant, donc c'est un autre film qui sera dans un, enfin, proposera un road trip aux côtés de deux frères elfes dans le monde fantastico. On voit déjà rien que ça. Contemporain, pardon. Rien que ça, c'est génial. Ouais, ouais. Ça, enfin, la bande-annonce, elle est géniale. Moi, je vous la conseille ouais. Vraiment. À la sirène dans sa piscine, c'est parfait. Je suis très, très impatient de voir ce que ça va donner. Et en plus, du coup, on a un deuxième long métrage qui devrait aussi c'est arriver. Onward, le titre original. Oui, voilà. Ouais. Alors, je sais pas si. Je pense qu'il y a quelque chose. Je sais, c'est un vrai mot anglais ça ou c'est un. Si, si, non, c'est un vrai mot. C'est un vrai mot anglais. Ouais, ouais, c'est un vrai d'accord, mot anglais. C'est pas une contraction de quoi que ce soit. Non, non, non, non, non. Okay. C'est, ça veut vraiment dire en avant. D'accord, ok. Voilà. Donc, et on a du coup l'annonce d'un deuxième film Pixar pour l'année 2020. En tout cas pour l'instant, peut-être qu'il sera repoussé, je sais pas parce que ça fait beaucoup. Mais voilà. Et surtout, ce qui est super réjouissant, c'est que c'est réalisé par. Pete Docter, donc qui est oui. Notamment connu pour avoir réalisé Lao et Vice Versa, qui sont des films que j'affectionne tout particulièrement et je sais que tu affectionnes tout particulièrement aussi. Effectivement. Donc. Et je n'ai pas Lao en Blu-ray, mais il faudrait vraiment que ouais, je le trouve, ouais, celui-ci. Ouais, il est enfin, franchement... Il est très très beau, là-haut. Hein. Pour l'avoir revu, et il faut... Enfin, je sais que beaucoup de monde disent « Ouais, c'est juste les premières minutes. » C'est vrai qu'il est vraiment pris pour un Pixar mineur, mais moi, voilà, je trouve c'est qu'il ça. A... Non. Il est un petit peu incompris, quand même. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et surtout, beaucoup de monde se rappelle du début, en fait, parce qu'il est très marquant, d'accord, ça, je veux bien. Mais, et après, en fait, pour moi... Mais la fin l'est d'autant plus, hein. Ouais, l'intérêt du film, c'est vraiment la deuxième partie du film. C'est la partie dans la jungle, etc. Et c'est vraiment, pour moi, c'est là où le film révèle tout son potentiel, vraiment. Voilà, et qui est... Mais là, Pixar, c'est vrai qu'ils ont quand même retrouvé des réalisateurs qui ont une patte, mais je sais pas, il y a une patte Pixar, est-ce qu'il y a une patte de réalisation, je sais pas, même si je trouve que Andrew Stanton, qui a fait Nemo, Wall-E, ouais. On et Brad Bird avec ouais. Les Indestructibles et Ratatouille, on reconnaît. Oui. Il y a des pattes de réalisateur quand même, ouais. C'est vraiment... Parce que Brad Bird, quand tu vois Tomorrowland, par exemple, oui. Tu sais que c'est lui, en fait. Ouais, si tu connais un peu le truc. Ouais. Tout comme... Enfin, si, en fait, il y a des pattes de réalisateur. Parce que John Lasseter pour Toy Story 2 et compagnie, c'est pareil. Tu... Mm-hmm. Oui, complètement. Tu vois bien que... Enfin, tu sais que c'est lui, quoi. Ouais. Et donc, du coup, le nouveau film de Pete Docter, il est baptisé Soul, donc âme en français. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de titre français, mais ça veut dire l'âme en anglais. Mais il n'y a pas besoin de titre français. Hein. Oui, voilà, Soul, ça suffit. Soul, c'est très joli déjà. C'est très joli, voilà. Alors, c'est pas un mouvement musical. Oui, c'est un très bon mouvement musical. Hein, mais c'est, oui, mais je pense pas que le film s'attarde là-dessus. Mais voilà, c'est l'âme. Du coup, le pitch du film, il devrait nous emmener dans des rues de New York au royaume cosmique pour découvrir les réponses aux questions essentielles de la vie. Alors voilà, c'est ce qui a été annoncé dans le communiqué de presse. Donc c'est un pitch assez mystérieux quand même. Mais, c'est Voyage of Time, quoi. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est dans le communiqué de presse, il y avait une question simple et vaste à la fois qui était marquée. Et vous êtes-vous déjà demandé d'où venaient vos rêves, votre passion, vos centres d'intérêt, qu'est-ce qui fait de vous, vous ? Voilà. Et du coup, Pete Docter, qui s'était déjà aventuré. Dans l'esprit humain complètement, dans vice versa. Là, il va vraiment aborder un sujet qui semble encore plus riche, encore plus gros. Oui. Et pour moi, si c'est lui qui s'occupe de ça, mais c'est juste pas. Voilà, moi je suis super impatient de voir ce film. Ah oui. Il devrait sortir le 24 juin 2020. Ce sera le 23e long métrage Pixar. Voilà. Même si on n'en sait pas plus, moi ça me suffit. De toute façon, j'écris un chèque en blanc à Pete Docter quand il veut. Hein. C'est vraiment. pour moi, ce mec a fait que des excellents films. Donc je vois pas pourquoi Monstre et compagnie, oui, là-haut, vice versa. Ouais, voilà, Monstre et compagnie en plus, c'est vrai que c'est lui. Puis voilà, après, il a été scénariste sur des très bons aussi, hein. Toy Story 2, Monstre et compagnie, Wall-E. Voilà, mais ouais, le truc, c'est que c'est un des derniers... c'est un des vétérans du voilà, studio, c'est un des derniers vétérans, quoi, qui est resté, quoi. Justement, il a repris la place de John Lasseter, du côté directeur artistique du studio, en binôme avec Jennifer Lee, qui s'occupe du côté Disney. Oui. Voilà, donc lui il s'occupe vraiment de la partie Pixar, donc il y aura, en fait ce qui est bien c'est qu'il y a sa patte un peu dans tous les, on sent déjà, même dans le Onward, donc en avant, on sent déjà qu'il y a aussi sa patte dedans, et là dans Soul, ce sera un film qui est réalisé par lui, et scénarisé par lui, du coup voilà, c'est, moi ça me tente énormément, toi je pense que c'est la même chose. Ah oui. Ouais. Bon après... En même temps, après, moi, je ne suis pas objectif, parce que c'est vrai que chaque projet Pixar est intéressant. Donc, ouais. Mais donc, ils trouvent toujours des manières très intéressantes vrai, de dévoiler leurs films et, de communiquer dessus aussi. Et juste les scénarios, à chaque fois, c'est passionnant. On se dit, mais ça n'a jamais été évoqué, alors qu'on pourrait penser que c'est bon, tout a déjà été fait, tout a déjà et été ils écrit. Ils arrivent vraiment... Et puis, c'est surtout qu'ils arrivent... même sur des sujets simples finalement comme Coco, C'est super simple en fait, Coco. Oui. C'est sur la transmission, c'est sur l'héritage, c'est pendant la fête des morts. Donc c'est, on parle des gens disparus. Mm. Bah, c'est quand même le sujet de, je sais pas, peut-être 75% des drames quoi au cinéma. Oui, c'est vrai. Mais ils le font d'une manière tellement originale. C'est ça. Et ils le font et vraiment tellement sincère à leur aussi. Sauce quoi. Ils arrivent à retourner le truc en fait. Mm. Ouais. C'est ça qui est génial avec ça. C'est qu'ils ont une liberté. Ouais. Total en fait de mouvement et de enfin oui ils dépendent de Disney mais en même temps Disney leur interdit pas d'être hyper sombre parfois et d'être tout en conservant ce côté hyper fédérateur familial et tout mais ils arrivent à enfin vice versa moi il y a quelque chose en leur voyant que j'avais pas perçu au cinéma, mais de toute façon, ouais. Ça a été un loupé au cinéma, moi, cette séance, c'est pas possible. Ouais, non, mais je pense que... Ouais, ouais. Je regrette absolument tout ce que j'ai pu dire dans le podcast. Ouais, mais tu te rappelles quand je le défendais, corps et âme. Oui. Et je le revois, et c'est un film vraiment que je trouve marquant. Et il y a des trucs, enfin, la scène où... La scène d'adieu de Bing Bong, par exemple, c'est hyper fort, quoi. Et j'ai rarement vu des films d'animation qui ont su se montrer aussi... Le dernier en date, c'est peut-être Dragon 3, quoi. Ouais. Mais même Dragon 3, finalement, c'est que c'est plus forcé, parce que c'est une conclusion. Pixar, ils arrivent à te foutre une claque émotionnelle comme ça en milieu de film sur un personnage qui est plus que secondaire. Ouais, plus que secondaire, ouais. C'est fou quoi. C'est mais en fait, ouais, pour moi, ce qui fait la force justement des films Pixar et qu'on retrouve peut-être nulle part ailleurs, et pourtant, enfin, c'est assez admirable justement parce que c'est un énorme studio. Hein, il y a des milliers de personnes qui travaillent pour eux, et pourtant, il y a toujours une sincérité. C'est ça. Qui découle des films. Et puis il y a une ligne de conduite, tu sens qu'ils dérogent pas, ils ont pas envie d'en déroger en fait, parce que tu sens que tout le monde en fait, c'est ça, c'est que Pixar et c'est un peu l'esprit d'entreprise Disney, de manière générale, c'est que tu sens que tout le monde va dans la même direction. Oui. Ils sont tous vers un seul but commun. C'est ça. Voilà. Et quand alors tu le ressens peut-être plus quand même chez Pixar que chez Disney, mais oui, c'est ça. On a un objectif avec tel ou tel projet. On s'y tient. Ouais. Alors, parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. C'est vrai qu'Arlo... Arlo, ouais, j'y pensais, justement. Arlo, ça a été plus compliqué, apparemment. Même les ratés, il y a quand même un... C'est ça. Tu sens la volonté de bien faire. Arlo, c'est pas un grand film, mais ça reste une claque visuelle, quoi. Ouais. Non, mais tu sens la volonté de bien faire, quoi. C'est ça. Et puis, il y a toujours des parties prises. Arlo, je suis désolé, mais autant les décors sont magnifiques, et ben ils ont quand même gardé cette volonté d'y intégrer des personnages beaucoup plus cartoon, et au final ça crée un film qui est très singulier, même si son scénario est pas ouf quoi, mais ça reste un joli film que moi je l'ai revu, ouais, faudrait que je le revoie parce que j'ai pas vu depuis, non c'est un joli film, ouais. Mais pareil qu'il y a des moments très sombres aussi, oui aussi c'est fou hein ça, c'est vraiment Pixar ça. Ouais, donc Wall-E, voilà. Wall-E, c'est assez déprimant, hein, Wall-E, hein, par moment. C'est clair. C'est clair, non, mais... Et ça peut être traité sous le trait de la comédie et tout, mais c'est traité, quoi. Ils n'ont pas peur, en fait, d'aller au fond des choses. Ouais. Ouais, vice-versa, parler de la dépression d'une gamine, c'est osé, quoi. Oui, parler de la mort dans Coco et en faire un truc hyper coloré, joyeux, et puis... Tout en conservant l'idée que c'est la mort, quoi. Après, ils ne le présentent pas comme une finalité aussi. Donc, c'est ce qui les sauve. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais ça reste quand même des sujets durs et complexes à mettre en scène et à scénariser. Et eux, ils y arrivent. Ils font ça sans concession. C'est leur vision du jusqu'au bout, quoi. Et c'est ça. C'est pour ça qu'on aime Pixar, quoi. Exactement. Voilà, pas du tout. Sur Pixar. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non. Voilà, non, non, mais c'est juste génial. Donc, on passe à une autre news. On change d'ambiance. On passe de Pixar à Scorsese. C'est pas trop la même ambiance. Un Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est pour annoncer justement que Leonardo DiCaprio retrouverait Martin Scorsese pour une sixième collaboration pour un thriller baptisé Killers of the Flower Moon. Sixième ? Ouais. Putain, je ne parlais pas des autres films. Ah, mais si, mais il y a Aviator, Gangs of New York, il est dedans. Gangs of New York, exactement. Oui. J'ai encore. Gangs of New York, Loot les Wall Street. Le Loot Wall Street. Voilà, ça fait 5, hein, je crois. C'est et ça. Là, c'est la 6ème. Donc, voilà, Killers of the Flower Moon, adapté du best-seller de David Gran, auteur qui avait déjà été porté à l'écran avec The Lost City of Z. En octobre 2018. Ah oui, par James Gray. Oui, voilà, c'est ça. Mm-hmm. Un film que je n'ai pas vu, mais qui avait l'air très bien. Enfin, vraiment, moi, c'était très bien. Ouais, ouais. Et moi, il me tentait beaucoup visuellement aussi. En fait, le film était un peu en début de tournage. C'était évoqué le début de tournage pour l'été 2019, mais le projet était un peu en surplace parce qu'il n'y avait pas de major qui produisait ou distribuait le film. Mmh. Et selon le site Deadline, du coup, l'adaptation est désormais sur de bons rails puisque la Paramount a accepté de produire et de distribuer le film. Ouais. En même temps, un film de Scorsese avec Leonardo DiCaprio, ça se refuse pas, j'ai envie de dire. En général, ouais. Ouais, en général, c'est plutôt signe de bons résultats. Donc, je vais faire le pitch vite fait parce que il est très très long, la news est très très longue. Je vous mettrai, de toute façon, tous les liens sont dans l'article si vous voulez vraiment en savoir plus sur le film. Mais en tout cas, ça parlera d'une histoire vraie qui s'est passée avec les Indiens de la tribu Osage dans les années 1870, quand ils ont dû s'installer dans une partie de l'état actuel de l'Oklahoma. Et du coup, leur nouvelle terre, qui était accidentée, rocailleuse, etc., impossible à cultiver. Mais ils ont rapidement découvert qu'ils étaient assis justement sur une réserve de pétrole, le plus gros gisement du pays. Mmh. Et donc, dans les années 1920, ils sont devenus une des communautés les plus riches, etc. Ouais, c'est et, cool, ça. Voilà, ils faisaient dans les années titres, 20, ça peut être bien. Un Scorsese, ouais, là. Ouais, ouais. C'est justement ça qui a l'air super intéressant parce que en fait ça évoque plein de choses justement ils sont devenus... la Grande Dépression peut-être, voilà. Aussi tout ça, ouais, ouais. Ils sont devenus super riches dans les années 20 que tout le monde oui, voilà, c'est ça. Ils engageaient même des serviteurs blancs, ils envoyaient leurs enfants étudier dans des pensionnats européens, etc. Et donc ils attiraient beaucoup l'attention des médias, mais en fait ils étaient encore sous tutelle du gouvernement, puisque tous les Indiens d'Amérique devaient être sous tutelle de blancs, voilà, ben oui. d'Européens venus en Amérique. Venus foutre la merde chez eux, voilà, c'est ça, clairement. Et donc, du coup, même en 1920, ce système perdurait et ils devaient gérer en fait, ils géraient l'argent que les Indiens obtenaient grâce à leur gisement, ouais, de pétrole. Du coup, voilà, tout, il y a eu plein de... de la corruption, machin, il y a eu des abus, ça c'est sûr, vol d'argent et machin, et en fait ça s'est fini avec un complot qui est monté jusqu'à l'attention de J. Edgar Hoover, qui était à l'époque le premier directeur du FBI et qui que Leonardo DiCaprio a déjà joué justement, ce qui est assez marrant, et du coup il fit de cette affaire un puissant levier pour asseoir son autorité. Et du coup, en fait, il y a plein de leviers et plein d'échelles qui ont l'air assez intéressantes dans le film, échelles de puissance, etc., puisqu'il y a plusieurs niveaux. On a les Indiens, on a ceux qui les contrôlent, on a J. Edgar Hoover, le FBI, etc. Enfin voilà, il y a plusieurs histoires. Oui, il y a un contexte de l'histoire dans l'histoire. D'époque et politique, voilà, intéressant, là, quand même. Voilà, et du coup, on rajoute Martin Scorsese dans tout ça. Pour moi, je suis très très impatient de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on n'a Déjà, normalement, on aura The Irishman avant. Qui sortira sur Netflix prochainement. Je crois qu'on a eu une date, mais je ne suis plus sûr maintenant. Je ne sais plus exactement. Ouais. Bref, en tout cas, il sortira cette année. Je crois qu'on a même vu une bande-annonce. Je crois. Mais il y a un petit moment déjà. Et du coup, pour l'instant, le tournage... Pour Netflix, ils sont du genre à publier tardivement. Hein. Ouais. Juste avant les sorties, en général. Ouais, souvent. Ce film-là sortira pas normalement pas sur Netflix. Hein, voilà. Non. Paramount, voilà, on utilise le vieux système encore. Hein. Mm. Mais tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que, Paramount qui se porte pas si bien que ça, ouais, en plus. Ouais, C'est. Mais bon. Bah, en même temps, à part Disney, qui c'est qui se porte bien, j'ai envie de dire. Universal se porte pas trop mal. Ouais, Universal, mais sinon Sony, Paramount, tout ça, c'est. C'est chaud, quoi. La Fox, c'était chaud avant le rachat. Bah, maintenant, ça va. Voilà. donc, voilà. On a... Ça va, ils ont plus de projet, du coup. Donc forcément. Oui. Pour l'instant, tout est en pause. Donc, tournage été 2019. On en saura plus bientôt, je pense. Bah, moi, je suis très, très impatient de voir ce que ça va donner. Oui, c'est intriguant, oui, quand même. Et surtout de revoir un Martin Scorsese au cinéma aussi. Parce ouais, que, parce que Silence, moi, j'en garde pas un bon souvenir. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas... Bah, c'est très. Ouais. Bon, c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est en fait, je pense que c'est trop personnel. Et ouais. Soit tu rentres dedans, soit tu restes complètement hermétique. Et ouais. Malheureusement, j'aime beaucoup Scorsese, mais moi, j'ai pas réussi. D'accord, ok. Et c'est pourtant pas faute de. D'avoir essayé. Ouais, ouais, non, puis même de. En général, je suis assez touché par ce que Scorsese peut me raconter. J'aime beaucoup quand il. Mais oui, voilà, en fait, un peu c'est lui, quand même un des seuls réalisateurs de films de gangsters qui t'intéresse. Donc, c'est ça. C'est... Parce que c'est souvent des personnages qui sont assez captivants. Oui, oui, bah oui, c'est clair. Casino, c'est parce machin, que. Ouais, ouais, mais Casino. Les Affranchis. Ouais. Enfin, voilà, c'est vraiment. Moi, je pense les... que Casino, c'est mon préféré entre tous, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Enfin, c'est dur de choisir. Après, ouais. La petite réserve que j'ai quand même, c'est qu'au final, les Scorsese avec DiCaprio sont pas ceux que je préfère. Ouais. Parce que moi, Shutter Island, j'ai vraiment beaucoup de mal. Enfin, le film reste trop prévisible, en fait, je trouve. Ouais. Donc moi, ça m'avait un peu sorti dès le début. Ouais. Et puis, Aviator, bon, je ne l'ai pas vu, Aviator. Mais... Ouais, mais Gangs of New York, j'aime bien, mais c'est pas mon préféré non plus. Le Loup de Wall Street, bah, moi je trouve que DiCaprio en fait trop, il bouffe tout le monde en fait. Et après. Bah, ah, les infiltrés, il est bien. Les infiltrés, ah, est bien. Bien. C'est vrai que bien. Les infiltrés est très bien. Ouais. Mais pop, mais c'est pas. Enfin, oui, pour c'est moi, pas le plus grand Scorsese, hein, mais. Non, mais bon, enfin, je reverrai les infiltrés rien que pour revoir Jack Nicholson ressortir des saloperies à longueur de réplique. Cette c'est scène d'ascenseur hein, qui est tellement oui. Enfin bref, c'est d'une violence, mais sans nom, quoi. Oui. C'est un remake, mais alors c'est du oui. grand Scorsese. Ouais, le film original est vraiment bien, Infernal Affairs. C'est un film hongkongais à la base, qui avait été inspiré. Enfin, le réalisateur était très très fan de Martin Scorsese, et du coup, ça devait être un honneur, je pense, pour lui qu'il fasse un remake. Chose assez originale, le remake est tout aussi bien que le film original. C'est ça. Vraiment, les deux se complètent, en fait, donc c'est vraiment cool. Voilà. On passe de nouveau sur Disney avec la nouvelle bande-annonce, du coup, de La Reine des Neiges 2. Ouais, rien à voir encore avec Scorsese. On passe du coq à l'âne. On fait des sacrées transitions. De toute façon, c'est comme ça. Donc la news est un tout petit peu plus vieille, mais Eddie voulait quand même en parler. Si ça n'avait pas été un phénomène mondial. Ouais, non, c'est clair. Et surtout que, bon, comme je disais avant à Eddie, ils vont imprimer des billets en décembre avec Star Wars et La Reine des Neiges 2. Donc voilà. Donc le film sortira en salle le 20 décembre. Et la bande-annonce est magnifique visuellement. Là, je viens de la voir il y a 5 minutes. C'est assez impressionnant. Moi, personnellement, je suis plutôt impatient de voir le film. Le premier, j'ai plutôt apprécié. J'étais pas dans la hype, justement, parce que je l'ai découvert très tard. Moi, je l'ai vu après la hype aussi. Ouais, je l'ai découvert... J'ai dû voir un mois ou deux après la hype. Il est sorti quand, le film? Il est sorti en 2012, non 2000... Il est sorti... 2013. 2013. 4 décembre 2013. Moi, je l'ai vu début d'année 2014. Oui, moi, je l'ai vu en 2015 ou 2016, donc... D'accord, oui, donc forcément, voilà. Oui. J'étais très en retard, mais... Ouais. Bon, même si la hype Reine des Neiges n'est jamais vraiment retombée, depuis... Non, elle n'est jamais vraiment retombée, mais voilà, je pense... Enfin, ça s'est un peu calmé. Il y a Vaiana qui est passée par là, donc il y a des petits filles maintenant qui sont fans de Vaiana. Moi, ouais. J'ai l'exemple, j'ai les deux nièces, là. J'en ai une qui est fan de La Reine des Neiges, qui ne boit que dans un verre La Reine des Neiges, c'est-à-dire très chiant, parce qu'il n'en a pas à la maison. Ah. Mais l'autre, bah, du coup, elle est un peu plus petite, donc elle, c'est Vaiana. Ouais. Voilà, mais c'est mignon. C'est cool, c'est sympa. C'est mignon. Et aucune réponse, hein, pourtant, qui est meilleure que les deux. Bah oui, mais elles sont trop jeunes. Oui, non, mais c'est Mais vrai. oui, réponse, Non. c'était quoi? C'était 2011, 2010? 2011? 2010, Bah oui, ils sont quelque trop chose comme jeunes, ça. hein. Ouais, T'es pas c'est né, clair. Non, mais ouais, enfin, réponse, pour moi, ça reste un de mes préférés quand même. C'était mon baril. Juste pour l'humour, quoi, qui est Ouais. tellement. Enfin, bref. Voilà, donc La Reine des Neiges 2, c'est une autre ambiance. Hein, ça a l'air très dark, enfin, assez dark, très Beaucoup plus sérieux. dark, ouais, que le premier, ouais. Ouais, On beaucoup plus dark que le retrouve premier. le thème dans la bande-annonce emblématique de la Reine des Neiges. Pas les Let It Go, hein. Oui. Mais le thème, il y a un thème Reine des Neiges, une Oui, musique voilà. instrumentale Ouais. qu'on retrouve ici et qui a vraiment toute sa place dans la bande-annonce. Ouais, c'est. Enfin, C'est moi assez je. enchanteur quand même. Ouais, c'est enchanteur, les visuels sont juste dingues. Ouais. Franchement, moi je suis plutôt impatient de le découvrir. Et pour le coup, ce serait, je pense, même un peu plus centré sur Elsa que sur Anna. Oui, pour Parce une. qu'au final, la Ouais. Reine des Neiges, C'est plus sur Anna bah, quand c'est même. plus Anna que Elsa, en Ouais, fait. Hein, ouais. dans le premier, Là, on s'intéresse on la plus voit à... vraiment partir à l'aventure Oui, dans la c'est ça. bande-annonce. Donc, Je pense qu'il y a tout un moment où ça va être Elsa solo. ouais. Donc c'est bien. Et donc, en fait, le synopsis qu'on a pour l'instant, c'est que le grand-pa troll lance Elsa dans une recherche de vérité, direction le nord d'Arendal et les terres enchantées sur les traces de son passé en compagnie de la fine Oui, c'est fille. clairement, c'est un parcours initiatique, hein, clairement. Voilà, c'est ça, clairement. Et bon, c'est Enfin, pas comme si le personnage ne s'y prêtait pas du tout, en même voilà, temps. parce que on connaît pas grand-chose d'elle, en fait. Ah ben, on sait rien, on sait pas d'où viennent ses pouvoirs du tout, Voilà, c'est ça, c'est hein. vraiment. On n'a aucune information, Ouais. donc du coup, c'est le 2 s'y prête plutôt bien, en fait. Une suite est plutôt bienvenue, on va dire. Au final, ouais. Voilà. Contrairement à d'autres films qui ne mériteraient peut-être pas On une n'aurait suite, pas je. forcément dit ça il y a 2-3 ans. Ouais, voilà. Mais au final, c'est vrai que, effectivement. Et là, moi, enfin, en tout cas, moi, ils ont réussi à attiser ma curiosité avec cette bande-annonce. Ouais. Oui. C'est franchement, ça a l'air vraiment bien. C'est réalisé par Jennifer Lee et Chris Buck, Donc, ceux qui avaient fait le premier. qui avait fait le premier, qui avait fait Jennifer Lee pour le sûr, Ralph mais Chris Buck, je ne 2.0. sais plus. Ralph 2.0, c'est Rich Moore. Donc, c'est Ah. Zootopie Ah oui, aussi, voilà, je ouais. crois. Je suis pas sûr du tout de mon info, mais il me Ouais, semble, hein, non, quand non, même. mais parce que elle était peut-être scénariste sur Ralph 2. C'est Jennifer Lee. Jennifer Lee, oui. Jennifer Lee, elle a réalisé La Reine des Neiges. Voilà, oui. Et bon, Chris Buck, apparemment, je vois dans ses trucs, La ferme sont rebelles et les rois de la glisse. Ouais, pas les Bref. meilleurs Disney. Bon, il y a aussi Tarzan et Pocahontas, donc. Mais par contre, oui, oui, Rich Moore, c'est Les Mondes de Ralph, c'est Zootopie et Ralph 2.0. Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Donc, voilà, on s'y attend. Enfin, voilà, ça a l'air vraiment, vraiment cool. Et c'est pas le 20 décembre, hein, c'est le 20 novembre, apparemment. Donc, parce que sur la news d'Hallociné, il ferait mieux de relire leur news, puisqu'au début, on nous dit attendu dans nos salles le 20 décembre, et après, rendez-vous le 20 novembre. Et j'ai revérifié, c'est bien le 20 novembre que ça sortira. Donc, voilà. Et puis ben on verra s'ils arriveront toujours à marier l'humour avec le sérieux, genre avec Olaf et tout ça, est-ce que ça fonctionnera toujours? Est-ce qu'il y aura des chansons? Bah, si ça Ça marche dans le premier. Oh, bon, les chansons, c'est sûr. c'est clair, mais voilà, on verra. Je pense pas qu'ils réussiront à avoir une chanson aussi forte que Let It Go. Ça me paraît. L'équipe d'écriture, si c'est la même que celle qui a écrit le premier, au niveau des chansons en tout cas, est très bonne. Mais je pense que C'est vrai que voilà. depuis, ils n'ont pas réussi à refaire un hymne comme ça. Il Il y y a a bien eu dans le Bleu Lumière Vaiana, dans Vaiana, qui est quand même assez marquant, mais moi, je la connais par cœur. oui, moi Mais aussi, mais. j'ai pas l'impression qu'elle ait marché Non, elle n'a pas autant aussi bien que marché. ça auprès du public. Oui, ouais, Alors qu'elle est, c'est. voilà, bon, elle est pas si cucu que ça, hein, elle a du sens quand même. Ouais. Non, voilà. Et puis même, malgré ce que les rageux disent, hein, Let It Go, ça reste quand même une super chanson. Ah mais oui, complètement. C'est juste qu'on l'a trop entendue. Voilà, c'est ça. Mais c'est une chanson, oui, hein, dans le film. Puis dans le film, elle a, Elle a tout son enfin, cette sens. scène, elle est hyper importante, quoi. Ouais. J'avais les frissons d'ailleurs quand je l'ai vu la première fois. Ah oui, c'est super chouette. Et je m'attendais pas à être autant. Parce que je l'avais entendue tellement de fois cette chanson oui. que voilà, elle me sortait par les oreilles. Et dans le film, en fait, ça prend tout son sens et tout son. Voilà. Donc voilà. On passe encore à complètement autre chose. À Flash Gordon, donc un film. Oui. Alors, un film qui est sorti dans les années 80, réalisé par Mike Hodges. Qui est plus connu pour son aspect très très kitsch et par la mythique bande originale qui était signée par Queen, plus que pour sa qualité vraiment de scénario, etc. Ceci explique cela. Voilà, c'est un film de science-fiction qui a été adapté de comic strip des années 50, donc très voilà très cliché, très très kitsch. Donc voilà, c'est un film qui culte en fait, mais qui est pas très bon, voilà. Faut vraiment le dire comme je l'ai pas vu, voilà. Comme ça. Voilà. Et du coup, en fait, la news, c'est que Taika Waititi, qui a réalisé entre autres Thor Ragnarok, pour ceux qui. Enfin, voilà. Et aussi pour nous, avec Eddie, Vampire Pourquoi en toute intimité, parce que vraiment, c'est quand même. C'est une des meilleures comédies qui est sortie des 10 dernières années, clairement. Ouais. Pour moi, voilà, Taika Waititi, c'est plus ça encore que Thor Ragnarok, même si Thor. Moi, j'adore Thor Ragnarok. Ouais, il était vraiment bien. Mais d'ailleurs, il va réaliser Thor 4. Oui. Ce qui met du coup en suspens son adaptation d'Akira. D'Akira, justement, le film Akira, voilà, justement, parce que dans la news que je mettrai de Allociné, qui date un petit peu. Il disait que d'abord il devait s'adapter Akira en live, justement un film d'animation japonais, mais que le film ne se fera pas avec lui, en tout cas, puisque il est occupé avec d'autres films, genre Thor 4. Et aussi, apparemment, il y a eu des soucis avec la prod, etc. Il voulait faire des choses que la production ne voulait pas le laisser faire. En même temps, connaissant Taika Waititi, si tu le laisses pas faire ce qu'il veut, je pense qu'il se barre rapidement. Je pense, ouais. Voilà. Donc dans ses cartons, il a Thor 4, qui sera sûrement son prochain film, je pense. Et aussi, du coup, ce... c'est même quasi sûr, ça. Ouais. Et il va réaliser... pourquoi on parlait de Flash Gordon Il va réaliser un remake, mais animé, de Flash Gordon. Alors, pourquoi j'ai mis cette news? Parce que déjà, Flash Gordon, moi le film, j'ai vu que des extraits. Et je connais principalement, justement, pour la BO. Qui est vraiment géniale, d'ailleurs. Mais... Ce qui m'intéresse, en fait, c'est que Taika Waititi a été choisi pour faire un remake d'un film culte, mais gnangnan et kitsch à souhait, en tout cas de ce que j'en ai vu, des années 80, et en film d'animation, un film d'animation par Taika Waititi, qui s'inspire de cet univers-là, pour moi, je signe tout de suite, hein, vraiment, je pense que ça risque d'être vraiment très drôle. Si les producteurs justement le laissent faire ce qu'il veut faire, je pense que ça pourrait être vraiment un super film, vraiment drôle, comme Thor Ragnarok a sauvé pour moi les films Thor qui étaient un peu trop, enfin vraiment trop dans le sérieux. C'est plus plan-plan. Ouais, c'était. En fait, c'est un peu le même univers que enfin. C'est un peu kitsch Thor, vraiment, quand on regarde le premier ou le second. Asgard, c'est vraiment très doré, très très kitsch, ça bride partout. Et en fait, Flash Gordon, c'est exactement la même chose. Donc s'il arrive à sauver Thor sauver Flash comme il a sauvé Thor, pour moi je signe tout de suite. Et en plus, un film d'animation, c'est super. Enfin, pour moi, je suis très impatient de voir ce qu'il peut donner. Voilà, je pense que toi tu t'en fiches un peu parce que t'as... Un petit peu. Voilà, mais un film d'animation par Taika Waititi, même si c'est tu connais pas le film original. Après, pourquoi pas, hein. Ouais. Faut jouer des images souvent. En gros, quand je m'en fiche comme ça, après ça dépend de la bande-annonce souvent. Oui, voilà, moi je suis très impatient de voir une bande-annonce pour vraiment me prononcer définitivement. Voilà, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. On passe à un truc, à une bande-annonce qui m'a laissé, mais. Dans un état. J'ai trouvé ça, mais d'un kitsch justement et d'un rétrograde absolu. Enfin, j'avais l'impression d'être dans les années 2000. On parle de Charlie's Angel, donc un nouveau film. Donc, comment ça s'appelle? Les Drôles de Dames en français, voilà. C'est ça. Série culte des années 70, hein, je suis sûr que tu l'as vu, Eddie. Pas du tout. Moi non plus, voilà, j'ai jamais vu un seul épisode. Mais je connais Charlie, je connais. Voilà, c'est tout ce qu'on connaît. Moi, je regardais les Total X-Files quand j'étais petit. Oui, voilà, pareil. Voilà. C'était déjà un peu mieux. Hein. Comment perdre sa crédibilité là. Voilà. Non, mais. Attends, les Total... Enfin, ouais. Si, les Total Space... D'ailleurs, je crois qu'il y avait une histoire d'adapter ça en film, il me semble. Oh, bon, certainement, oui. Oui, oui. Donc, voilà. Bonne annonce de Charlie's Angel avec, dans les rôles principaux, Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska. Et aussi Elizabeth Banks qui réalise et scénarise le film. Voilà. Mm. Donc la bande-annonce, mais ça, enfin franchement, alors moi c'est tout à fait le genre de projet complètement con, ouais, et kitsch qui peuvent me divertir à fond, hein. Ouais. Voilà, je sais que ça sera nul, mais bon. Non mais ouais, le truc c'est que, enfin, j'ai l'impression d'être retourné dans les années 2000, ça fait vraiment Spy Kids, ça fait c'est Scooby-Doo, ça, ouais. Enfin ça fait vraiment enfin voilà, ça fait vraiment, c'est très kitsch, je trouve. Ça fait vraiment film de merde. Ouais, voilà, c'est ça. J'ose pas le dire, mais voilà. Après, j'ai pas vu le film de 2003, il me semble, ou 2000, qui était sorti aussi, qui était aussi un remake de un reboot de la série, pardon. Ouais. Voilà. Un reboot du remake du reboot. Voilà, c'est ça exactement. Mais ah non, mais en plus, dans la bande-annonce, quand on nous présente, oui, je suis une chef développeuse d'un programme pouvant révolutionner l'industrie énergétique. Attention, enfin, ça fait, je sais pas. Ça sonne faux. Ouais, voilà, ça sonne faux. Ça fait du blabla pour faire du blabla et pour faire des scènes d'action. Voilà. Strong Independent Woman, c'est un peu ça. Oui, mais après, j'ai rien de contre ça. Ouais, mais tu vois, c'est... Moi, je suis très content de voir des femmes fortes au cinéma. Au non, contraire, mais faut pas les réduire juste à ça. Quoi. Ah, ouais, non, mais clairement, si t'écris rien autour, si c'est juste pour faire du pam-pam boum-boum, ben. C'est la même chose que Arnold Schwarzenegger dans les années 80, quoi, c'est vraiment. Ça, clairement, c'est ça. Et je suis pas contre un petit film de Schwarzy de temps en temps, mais voilà, quoi, plus au cinéma, plus en 2019, quoi, vraiment. C'est, enfin, on en a soupé des films d'action comme ça, mais. Complètement. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de neuf, vraiment, absolument rien de neuf. En fait, le seul truc neuf, c'est que c'est des femmes, voilà. Mm. Et ça vend pas l'intérêt, enfin, c'est pas l'intérêt d'un film. On s'en fout. Vraiment, c'est. Voilà. Mais c'est comme. Ce serait comme dire. Bon, ouais, je vais me faire taper dessus encore, mais ce serait comme dire. On va regarder Us de Jordan Peele parce que c'est une famille de noirs. Oui, voilà, mais c'est pas ça tout l'intérêt. C'est pas du ça, film, c'est le sujet qui est intéressant. Voilà, c'est ça. Et le film pourrait être. Alors là, pour le coup, pour l'avoir vu. Mm. Le film peut d'ailleurs très bien exister sans que ça soit des blacks, hein, en plus. Ben oui, voilà. Donc, mais voilà. Non, mais voilà, c'est pas ça qui fait le truc intéressant d'un film. C'est pas le fait que le casting soit féminin, masculin, noir, afro-américain, asiatique, etc. Disons que c'est pas un film qui qui peut prétexter être un film engagé. Non, en fait. C'est clairement pas. Mais non, non, mais quand tu vois, quand ils produisent quelque chose, genre Les Femmes de l'Ombre, par exemple, ouais. Ben là, il y a une vraie volonté derrière. Mmh. Oui. Parce que c'est les femmes qui finalement ont apporté beaucoup et qui n'ont jamais été reconnues pour ce qu'elles ont fait. Voilà, c'est ou ça. Ou alors, dans un autre registre complètement différent, je pense aux Crevettes pailletées, par exemple. Mmh. Oui. Qui, pour le coup, bon, ben là, oui, c'est engagé. Là il y a un sujet à traiter. Mais c'est le cœur du film. Alors que Charlie's Angel, bah, de toute façon, ça a toujours été des femmes. Ouais. Donc c'est à part vraiment vouloir remettre au goût du jour, mais si ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est remettre au goût du jour, Ben, bah, c'est la même chose qu'on a vu 3000 fois. C'est pas refaire la même chose qu'il y a 20 ans, quoi. Mm. Ça sert à rien, en fait. Ça sert à absolument rien, mais ce film, je le vois bidé, mais de très loin. Hein. Oh, je pense. Ouais, ouais, non, mais vraiment. Parce oui, que oui, c'est le Ghostbuster 2016, quoi, c'est pareil. Mais oui, y a encore, même moi qui n'aime pas trop le Ghostbuster 2016, j'y voyais un certain intérêt. Là, je vois aucun intérêt, mais vraiment. Parce que finalement, le Ghostbuster 2016, ils l'ont vendu comme en surfant. Enfin, ils ont fait leur promo autour du fait que c'était des femmes. Mmh, oui. Alors que finalement, dans le film, bon, ce serait. On s'en fout. Ce serait des mecs, ça marcherait aussi, quoi. Comme, oui. Comme c'était le cas dans les autres. Voilà, c'est pas ça qui fait un bon film, en fait. Ah bah non, non, non. Bah non. C'est le scénario, la réalisation. C'est surtout tout ça, des bons personnages qui font un bon film. Des bons personnages, bien écrits, des dialogues. Enfin, bref, là, ça a l'air vraiment. D'un kitsch et d'un revu, mais 100 000 fois, quoi. J'ai l'impression de voir un épisode de MacGyver, quoi, vraiment. Ouais. Bah, tu sais, les nouveaux épisodes de MacGyver sont pas mal à ce niveau-là. Ouais, j'ai pas regardé, mais. Non, mais moi je ne regarde pas, mais malheureusement. J'ai... Oui, tu vis avec quelqu'un qui est. qui adore. Voilà. Bon, après, ça divertit. C'est non, mais voilà, c'est ça. Mais... C'est gentiment con, quoi. Mais tu vas pas payer ta place 10 euros pour voir ça, quoi. Non. Voilà. Non. Donc, c'est comme refaire Ocean's 8, hein, c'est pareil. Hein. Ouais, bah pareil, voilà. C'est exactement la même chose. Ça sert à rien. C'est vraiment. C'est peut-être super cool, hein, mais. Faites-nous des films d'action originaux avec des femmes ou avec des hommes, ou avec les deux, on s'en fout. Mais, oui. Mais avec des bons personnages. Avec des bons persos. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Si vous voulez absolument faire des films avec des femmes, mais écrivez des bons rôles, quoi. Voilà. Faites-leur pas juste jouer la pin-up qui peut jouer que de son physique pour avancer, parce que là, non, ça sert à rien. Non, mais non. Ouais, c'est clairement ça. En parlant d'originalité, on va parler de Midway. Ouais. Alors, ah oui, je voulais pousser un petit coup de gueule contre ces putains de bandes-annonces. Là, il y avait Charlie's Angel, Midway, et après, celle dont on va parler juste après, ces petits micro-trailers avant la bande-annonce. Mais, alors, oui. Alors, mais ça, mais je n'en peux plus. C'est vraiment pour ceux qui ont un sens de. Enfin, ils peuvent pas rester 3 secondes assis à attendre un écran titre. Oui. Il faut de l'action tout de suite. C'est le cliquage compulsif. Hein. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment. Mais c'est atroce, quoi. Enfin, on est là pour. Et ça le fait pas sur les autres bandes-annonces, genre Disney, etc. Celle dont on va parler plus tard. Parce que. Enfin, je sais pas. Là, c'est. On a l'impression, c'est une culture clickbait, quoi. C'est vraiment. C'est ça. C'est pam pam boum boum. La première seconde, il y a un avion qui explose dans Midway, quoi. Mais vraiment, t'as même pas le temps de poser l'histoire que c'est directement. Enfin, voilà. T'es... Oui, non, mais j'ai pas trop compris. Enfin, c'est de plus en plus dans ces bandes annonces. Non, je pense que c'est des bandes annonces qui sont faites pour. Pour Internet. Pour les réseaux sociaux, en fait. Voilà, c'est ça. C'est que quand tu fais défiler ton fil d'actualité. Bon, ben forcément, la vidéo se lance quand tu passes au-dessus. Et tout de suite, tu vois des explosions, des machins. Ben bon, ça t'attire. Oui, en fait, voilà, c'est ça. C'est... Oui, voilà. Parce qu'une bande-annonce n'est pas faite que d'explosions. Donc après, ils te mettent la vraie, en fait. En fait, voilà. C'est de l'accroche. Je comprends la nécessité, mais j'aime pas ça. C'est sûr que quand tu vas chercher de toi-même la bande-annonce sur YouTube et que tu tombes avec un micro-trailer avant, bon, forcément. Ouais, voilà. Ça, voilà, ça paraît tout de suite un peu plus con, quoi. Ça paraît vraiment con, quoi. Bref. Fin de l'encart, Midway du coup, film de guerre signé Roland Emmerich, qui sortira le 13 novembre 2019. Donc 3 ans après Independence Day Resurgence, ça fait déjà 3 ans. Ça fait déjà 3 ans. Ça. Putain, ça paraît si loin. Donc Roland Emmerich revient avec un film de guerre qui est centré sur la bataille de Midway, qui se déroula en juin 1942, pardon. Après Pearl Harbor, du coup, la marine impériale japonaise qui préparait du coup une nouvelle attaque qui devait éliminer définitivement les forces aéronavales restantes des Américains. Donc la campagne du Pacifique en fait se joue sur ce petit atoll isolé du Pacifique Nord, donc Midway. Ah non, voilà. Non, mais c'est, par contre, ça c'est très intéressant. Voilà, non, c'est pas ça qu'on juge dans c'est juste que tu te dis, voilà. Le mec s'est dit, bon, Pearl Harbor, ça fait quoi? Ça doit bien faire 15-20 ans que c'est sorti. C'est 2001, je crois. C'est bon, je peux sortir le mien. <quoi. rire> le pire, c'est qu'on les compare assez souvent. Ouais. Et là, on a vraiment l'impression qu'il s'est dit. Ouais. Enfin, il se donne la réplique là. Mais vraiment, entre Michael Bay et Roland Emmerich, là, il y a plus rien, quoi. C'est vraiment. Ça. Enfin, bref, là. L'autre, il est occupé avec ses robots, c'est bon, je peux revenir au film de guerre que de toute façon, il fera pas. Voilà, et pourtant, je l'ai déjà dit, mais je le redis, pour moi, Pearl Harbor, c'est un petit plaisir coupable, je le trouve pas si mauvais que ça, quoi. Non. C'est pas le pire de Michael Bay. Ouais, c'est clairement pas un des meilleurs films de guerre jamais produits, hein. Non. Loin de là, même sur cette période. Voilà, même sur la bataille du Pacifique, pour moi, la ligne rouge, voilà, l'emportera. Ah bah, oui. Toujours. Ça restait intéressant. Là, je vois pas ce qu'il peut raconter. Enfin, déjà, quand on voit la bande-annonce, on a tout compris. Il veut juste faire un film d'action. Surtout que Midway, de mémoire, ça a déjà été porté à l'écran. Il me semble que Spielberg a dû y toucher un truc comme ça. Je suis pas sûr. Je sais que sur l'affiche Allociné, on dit que John Ford du coup avait réalisé. Non, pas oui, non pas oui. Paul Spielberg, mais il y a eu hein. Ouais, en 76. Effectivement, ça remonte. La bataille de Midway avec Charlton Heston, Henry Fonda, voilà des vieilles légendes. Oui, la grande époque. Voilà la grande époque. Non mais. A que des photos en noir et blanc sur son script. C'est ça. Donc, tu sais, dans quoi tu veux. Non mais après ça peut être un bon film, je l'ai pas vu. Mais oui. Bon, il est pas hyper bien noté. Ouais bon. En tout cas voilà. Ah non voilà non. Pourquoi je fais le rapprochement d'idées avec Spielberg, c'est parce que c'est John Williams qui a fait la musique de ce film-là. Ah, ok, et d'accord. Et du coup, c'est une musique que j'ai entendue quand j'ai été au concert John Williams. Oui, voilà, c'est pour ça. Voilà. D'accord. Non, mais je suis pas complètement... Non, je dis pas que de la merde, constamment. Donc, au niveau casting, on a Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Tada Bonu, Asano... Alexander Ludwig, Mandy Moore, Dennis Quaid et Woody Harrelson, du coup. Dennis Quaid. Dennis Quaid qui revient, qui était dans Le Jour d'après avec de Roland Emmerich. Emmerich que j'aime beaucoup. Que je n'ai pas vu, il me semble. Ah non, ouais. Je n'ai pas vu. Non, il est pas mal Le Jour d'après. Bon, après, c'est pareil, hein, ça reste assez. C'est un film catastrophe, voilà. Mais c'est ultra divertissant. Mmh. Ouais. Et du coup, Harrelson qui retourne après 2012 avec... C'est vrai, c'est lui qui jouait le taré dans 2012. Voilà, c'est ça, ouais. C'est vrai. Ouais, on s'en rappelle très bien. Ah putain, oui, celui qui se filme sur Internet dans le parc de Yellowstone avec le volcan qui explose. Putain, oui, je me rappelais plus de ça. Ouais. Donc, voilà, c'est... Ah, c'était l'époque où il n'était pas hyper connu, en fait. Oui, c'est vrai, il commençait C'était avant, un petit avant peu, Hunger Games, et ouais. Hunger Games l'a propulsé, et après, il a tourné... Enfin, il avait joué dans d'autres films... Il avait pas fait Zombieland aussi, tout ça Il avait fait quoi? Il avait fait des films des années 90 aussi, hein. Ouais, mais moins quand même. Il a fait un super connu, là, je perds le nom maintenant. Woody Harrelson. Moi j'aime bien, je trouve pas mauvais acteur. Bon, il a joué dans La Ligne Rouge aussi, hein. Ah bon? Ouais, il a joué dans La Ligne Rouge. Bref, je vais pas retrouver le... Tourné, voilà. Tourné, qui est un film super connu. No Country for Old Men, apparemment. Mais, voilà. Mais c'est vrai qu'il a eu une période un peu de disgrâce dans les années 2000 et qui est revenu après avec Hunger Games, tout ça. Et Zombieland, machin. Qui l'a remis un peu sur le devant de la scène. D'ailleurs, il va tourner dans la suite de Zombieland, je pense. Aussi, oui. Mm. Voilà. Donc, gros casting, machin. Enfin, voilà, c'est un film de guerre, mais qu'on a l'impression d'avoir vu 3000 fois encore. Il y a rien de nouveau, c'est pam pam boum boum, il y a pas l'air d'avoir de enfin on voit une femme qui est derrière un grillage qui dit au revoir à un Marines, enfin voilà. On a déjà vu ces scènes 3000 fois et pourquoi Roland Emmerich décide de nous faire ça maintenant enfin franchement moi j'en ai aucune idée. Il devrait nous faire un Stargate 2. Je suis pas du tout objectif là-dessus, mais c'est pas grave. Mais enfin, c'est vrai, hein. Y aurait... Après, ça se trouve, ce serait pourri s'il le ferait maintenant. Il aurait plus la même patate que dans les années 80. Disons que Stargate, c'est que maintenant, ça a ce côté très kitsch. Ouais. Ouais. Reste kitsch quand même maintenant, ouais, Stargate. Non, c'est vrai que c'est très ancré tu dans les années 80. Tu voyages plus dans l'espace à travers une porte des étoiles. Ouais. Maintenant, tu traverses des trous noirs. Ah, il y a les Goa'uld, il y a tout ça. Voilà. C'est vrai. Non, mais bref. Ouais, mais c'est un peu ça, ce côté un petit peu intemporel comme Star Trek. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, ce film, je ne comprends pas son existence. C'est vraiment. Ouais, mais même, je pense qu'il va se faire ratatiner au box-office, quoi. Enfin, qui va aller voir ce film ? Oh oui, ça m'étonnerait, ouais. À part des gens qui... Les passionnés, quoi. Voilà, les passionnés. Et encore, les passionnés d'histoire et tout ça, ils vont pointer... Parce que son dernier film, c'était Resurgence. Moi, ouais, j'avais vu Stonewall, qui était pas si mal. Mais il est plus intéressant, finalement, sur les trucs un petit peu plus intimistes, comme ça. Ouais, mais c'est vrai. Parce que moi, j'ai un film que j'aime beaucoup de Roland Emmerich, c'est The Patriot, par exemple. Oui, ouais. J'ai entendu du très très bon, mais je l'ai jamais vu. Avec Mel Gibson. Avec Mel Gibson, ouais. Qui se passe pendant la guerre d'indépendance ou de sécession, je sais plus maintenant. Guerre de sécession. Attends. Parce que c'est 100 ans après. Hein, attends, donc, Caroline du Sud en 1776. Non, c'est la guerre d'indépendance. Ouais, non. C'est ça. Non, attends, c'est la guerre d'indépendance. Oh, oui, c'est indépendance. Hein. Ouais, les indépendantistes, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas sécession. Le conflit entre les indépendantistes et les Anglais. Voilà, ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est... Il joue un Français ? Non, ah bon, je sais plus. Mais il y a des Français dans le film. Oui, bah oui, c'est normal, oui, puisque la Révolution ne s'est pas faite sans les Français aux États-Unis. Enfin, voilà. Voilà, ce film... Ça se passe avant la Révolution française. Oui, bah oui. La Révolution américaine a eu lieu avant la Révolution française. Donc Midway, bof, vraiment. Bref, voilà. Donc tout ça pour dire que non, ça nous botte pas. Non, ce film ne nous intéresse pas. Et ce que je voulais dire en fait, c'était vraiment faire un. J'aimerais bien revoir un bon film sur la Seconde Guerre mondiale ou un bon film sur la Première Guerre mondiale ou même sur d'autres guerres. Parce que bon. Par exemple, la guerre de Corée, je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de... Il n'y a pas eu beaucoup de films, hein, justement. Non. Parce que ça reste très, très marqué pour les États-Unis, comme pour la guerre au Vietnam, justement. Oui. Mais voilà, donc... même si le Vietnam, il y a eu plus de films, quand même. Hein. Ça reste... Il y a eu Apocalypse Now. Oui, il y a eu Platoon, il y a eu... Platoon, et puis bah, Full Metal Jacket. Full Metal Jacket, voilà. Enfin, ouais, il y a des grands films sur la guerre du Vietnam. C'est voilà. Mais c'est vrai que le cinéma Platoon, de... Attends, c'est Stone. River Stone. Ouais. En fait, dernièrement, on fait plus des films de guerre qui se passent... Enfin, qui se centrent sur un sujet précis. Parce que Tu ne tueras point, c'était quoi, déjà ? Seconde Guerre. Ouais. C'était Seconde Guerre, c'était dans le Pacifique. Ouais. Si voilà, c'est un des derniers films. Bah celui-là était très bien. Ouais, il était vraiment bien. Ouais. Ouais. Mais, pas revu encore depuis le cinéma, mais je l'avais acheté celui-là. Ouais. Voilà, donc au lieu de nous proposer des films comme ça qui sont vraiment juste là pour faire du grand spectacle, et encore le grand spectacle visuellement, c'est vraiment moche quoi, la bande-annonce là, j'espère ouais. Que. Quand t'as vu la bande-annonce. Mais justement, quand tu repenses à Tu ne tueras point. Ça avait quand même une autre gueule ah ouais, quoi, à côté. Non, hein. Visuellement, ah bah, oui. Sublime. Ouais. Voilà, c'était hyper donc, immersif, là pour le coup, non. Quand t'as lancé la bande annonce juste avant, t'as dit ah bah j'espère que c'est encore en pré-production parce que là c'est ce que, ouais, bah oui, ça semble pas fini. Mais ouais, justement, c'est vraiment ça semble vraiment pas fini quoi. Donc voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire. Le problème, dire, c'est même. Que c'est un peu le niveau des effets spéciaux chez Emmerich, ouais. Chez Emmerich, en général. Oh non, ne fais pas la. Voilà, là, quelle horreur, pourquoi dire ça, ça genre les deux personnes qui ont le moins en commun au monde. C'est vraiment à part qu'ils font des films, c'est tout ce qu'ils ont en commun. Exactement. Je crois non voilà, donc on va passer à la suite du coup en parlant de la bande-annonce de Jumanji 2. Hey. Encore une bande-annonce avec un petit trailer de 5 oui, secondes évidemment. Avant hein, pour capter l'audience donc le premier Jumanji qui avait été un remake slash reboot qui a beaucoup marché, hein. Il a ramassé 962 millions de dollars à travers mais le monde. Mais en même temps, il était sympa. Hein. Je ne l'ai pas vu. Bah voilà. Écoute, moi je me suis. J'en bien... entends que du bien. Oui, donc, voilà. C'était en fait c'était une bonne surprise. J'en attendais ouais. absolument rien. Ouais. Et c'est très fun en fait. C'est, ça se prend pas au sérieux. Donc c'est là, ça pour le coup, c'est un vrai avantage que le film a pour lui. Et c'était franchement cool. Après, moi, je pensais pas qu'il y aurait une suite. Ouais, moi non plus. Mais du coup, ils en font une. Bah, parce que ça a fonctionné, hein. Enfin, ils ont... Ouais. Ils ont presque un milliard. Mais bon, après, voilà, ça a l'air aussi barré et fun que le premier, donc ouais. Pas. En fait, je trouve que l'humour a l'air de très bien fonctionner dans... Oui. Dans... Alors, je vais pas replacer le scénario parce que j'ai essayé de relire l'explication de la bande-annonce sur Allociné et franchement, on explique que cet acteur qui joue ce personnage va se retrouver dans... Oui, c'est ça, en fait. Dans le corps de ce personnage qui joue cet acteur. C'est ça, c'est que dans le premier, en fait, vu que c'est plus un jeu de plateau... C'est un jeu vidéo. Mais que c'est un jeu vidéo sur des... jeu sur NES, hein, en gros. Ouais, c'est ça. En gros, quand ils se font aspirer par le jeu... Les acteurs qui sont dans le monde réel. Les joueurs, en fait, se retrouvent dans la peau de personnages qu'ils ont choisis. Ouais. En fait, ils les ont choisis par rapport à leur nom. Ils n'avaient pas de description visuelle. Mmh. D'accord. Ils ont choisi par rapport à leur nom et leurs aptitudes. Et c'est vrai que, ben, du coup, il y a une des filles qui se retrouve dans la peau de Jack Black. Voilà, c'est parce ça. Parce qu'il a un nom mixte. Mmh. Et du coup, elle était persuadée que c'était une fille, en fait, c'est un mec. Oui, donc voilà, ça, c'est ça. Bon, voilà, c'est un running gag qui est constant dans le premier. Et ça a l'air de très bien fonctionner. Et qui fonctionnait bien. Aussi. Et là, du coup, en fait, il y a les grands-pères des joueurs qui se font aspirer dans le jeu. Et dans en la fait, peau de Dwayne Johnson, c'est y a... ça. Ouais, voilà. C'est et ça, donc oui, Dwayne Johnson, en fait, va ce sera un grand-père. C'est Danny DeVito. Ouais, voilà. Mais ça, c'est fun, déjà, rien que ça. Voilà, déjà ça. Enfin, c'est Dwayne Johnson qui va essayer de jouer Danny DeVito, déjà, ça, c'est bon. Mais pas vraiment, en fait, parce que Dwayne Johnson va jouer son avatar. Oui, voilà, c'est ça. Mais plutôt qu'il va avoir des réactions conscientes de Danny DeVito avec l'âge qu'il a, quoi. Voilà, c'est ça. Et voilà. Il y a aussi, du coup, mince, comment il s'appelle j'oublie le nom de ce comédien. Danny Glover. Oui, mais Danny Glover qui va se retrouver dans la peau de Kevin Hart. Un énorme comique aux États-Unis, qui est un des plus gros comiques aux États-Unis. Que je trouve pas forcément drôle d'habitude, mais qui là pour le coup est assez drôle. Je trouve qu'il est pas très drôle dans les films généralement, mais ses spectacles sont assez drôles. Voilà. Le pitch a l'air génial. Moi, j'ai déjà rigolé devant la bande annonce, donc. Franchement, si tu veux vraiment un truc, voilà, t'en as chié toute la journée, t'en as ras le bol. c'est typiquement le genre de film qu'il faut se mettre. Hein. C'est divertissant, c'est drôle. Et au final, même le scénario, hein, ça fonctionnait plutôt bien. Le fait de replacer ça dans un jeu vidéo. Le prétexte était assez bien trouvé et honnêtement, moi je me suis bien amusé devant ce film-là. Sachant que les scénaristes du coup du premier, Scott Rosenberg et Jeff Pinkner, s'attaquent aussi au scénario du deuxième et c'est toujours réalisé par Jake Kasdan qui avait réalisé aussi le premier. Voilà. Et ça débarque chez nous le 11 décembre 2019. Donc moi j'irai pas forcément le voir au cinéma. Hein, Mais par contre, oui, non, c'était très fun. Voilà. Alors, ça, c'est un peu une news. Je l'ai mise parce que c'est. J'ai l'impression d'être retourné dans un plan cinéma en 2015. Et ça, c'est pareil, c'est un peu le comic relief de l'actualité cinéma, quoi. C'est ça, c'est vraiment. j'ai l'impression de ne pas avoir changé d'univers, quoi. On est toujours dans la même période. Oui. C'est le film Solo Flash qui perd son réalisateur pour la troisième fois. Ouais. Voilà. Donc, alors, je sais même plus qui sont les deux premiers. Alors, donc, voilà. Alors, ils ont fait un récap sur Allociné. La première fois, donc c'était, les réalisateurs qui devaient s'occuper pour cette troisième fois, c'était John Francis Daly et Jonathan Goldstein qui avaient réalisé Vive les vacances, donc le film de 2015 là. Ah oui. Oh, putain. Ouais. Voilà. Donc avant c'était Rick Famuyiwa et Seth Graham Smith, voilà, les deux autres qui avaient lâché le projet. Et actuellement Warner aurait déjà en vue un remplaçant en la personne de l'Argentin Andy Muschietti, pardon. Ah ouais. Qui vient de terminer qui vient de terminer la deuxième partie de ça. Donc là, pour le coup, c'est un film de commande. Est-ce que ça va vraiment l'intéresser, Muschietti? Ouais, franchement, je sais pas. Sachant que en plus, Le scénario a été encore réécrit. Ah ouais, non, mais ça doit être une catastrophe. Ouais, non, mais par une scénariste qui est très demandée en ce moment, qui s'appelle Christina Hodson, et qui a récemment été engagée sur Bad Girl, et qui a aussi auparavant signé l'histoire de Birds of Prey, qui est un autre film de DC, et Bumblebee. Ok. Voilà. Bon. Voilà, hein, c'était sympa le DC Universe. Non, mais. En plus, ça me déprime, moi. Ça, ouais, non, mais en plus, on revient sur le truc, mais on n'en a pas parlé parce que voilà, il n'y avait pas de parlons cinéma. Mais Batman et Superman, apparemment. Enfin, Batman, il me semble que c'est plus. C'est plus Matt Reeves. C'est toujours Matt Reeves, normalement, pour la réalisation. Oui, mais. C'est plus Ben Affleck. Voilà, c'est plus Ben Affleck. Non, ce sera Robert Pattinson. Voilà, c'est ça. Et il me semble que Superman aussi devrait aussi changer. Donc, d'ici, ils sont dans une de ces impasses, ils s'engouffrent de film en film. On a toujours Wonder Woman avec Gal Gadot. Voilà, et Aquaman, qui a bien fonctionné. Oui, j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Moi non plus. Avec comment qu'il s'appelle? James Wan. James Wan, mais avec Khal Drogo là. Je ne me souviens plus de son nom. Oh merde. Bref. Merde, putain, c'est fou d'avoir oublié ce nom-là. Sachant que Jason Momoa. Oh. Ouais, Jason Momoa, qui avait aussi joué dans Stargate Atlantis. Voilà. Exactement. Sachant que l'année dernière, il y avait aussi Shazam qui s'était ramassé. C'était pas l'année dernière, c'était cette année. C'était cette année. Ouais. Mais tu vois, j'en ai déjà oublié que c'était cette année. Enfin, je l'ai pas vu, mais. Moi non plus. Mais on n'entend plus parler. J'ai pas envie de le voir. Ouais, non, mais. Mais ça avait. Ça donne pas envie. Enfin, voilà. Tout l'univers d'ici, là, il s'écrase sur lui-même. Il ferait mieux de faire juste des films Wonder Woman et d'arrêter tout. Bah, tous c'est les frais, ça, en fait. Hein. Parce que. Parce que voilà, ça sert plus à rien. Ah, puis alors, il y a toujours ces espèces de rumeurs qui circulent, comme quoi Snyder aurait fait sa Final Cut, sa Director's Cut de Justice League, et que du coup, lui, il aurait les pistes et tout, mais que Warner veut pas la sortir, oh là là, quel bordel. Ouais, non, mais c'est un bordel, son nom. À côté, on a Marvel qui imprime des billets. On a Marvel qui vient de terminer, du coup, officiellement, sa phase 3 avec Far From Home. Voilà, et qui ont fait un truc cohérent. Voilà, et du coup, après, voilà, sans vouloir aller les comparer, quoi, mais sans aller comparer les films en eux-mêmes. Mais c'est vrai que, bon, tous les Marvel se valent pas. Hein. Non. Ça, c'est une évidence, mais bon, voilà, hein, force est de constater que y en a qui arrivent à créer leur univers et à le faire perdurer, puis il y en a d'autres qui arrivent même pas à le lancer, quoi. Mais tout ça, c'est la gestion, hein. C'est juste de la gestion humanitaire. Mais Warner, c'est catastrophique. Hein, et Warner ne savent pas gérer leur personnel, non. Tout simplement. Ils ne savent pas engager les bonnes personnes, ils n'ont pas le nez creux, je ne sais pas. Enfin, et il n'y a pas une tête pensante, en fait, du DC. C'est une hydre, quoi. Voilà, comme Kevin Feige, qui s'occupe justement, lui, c'est une tête pensante de Marvel. Et du coup, c'est lui qui chapeaute un peu tout ça, qui peut déléguer, qui gère tout ça. Et qui a, oui, complètement. Voilà. Et du coup, il n'y a personne à ce poste-là chez DC. Et ben, on voit ce que ça donne. Et j'ai même envie de dire que si un jour Kevin Feige passe la main, c'est quasiment sûr que ce sera fait. Mais je pense que la personne qui reprendra derrière lui aura déjà collaboré avec lui depuis au moins. Peut-être 5-6 films. Et puis maintenant, c'est une machine bien huilée. Parce que je pense. Enfin, pour mettre même en si place maintenant, tout on ça, s'attend avec une phase 4 à repartir sur de nouveaux horizons, quand même. Voilà, oui, bien sûr. Mais au moins, on a une vingtaine de films qui sont cohérents l'un avec l'autre. Pour avoir vu Endgame, il y a une vraie cohérence. Hein. C'est pas juste. On n'a pas juste fait 20 films pour faire. Bon, si. Faire l'argent. Il y en a certains qui étaient peut-être pas. Mais chaque ressort scénaristique de chaque film a une incidence sur l'un ou l'autre. Donc il y a un vrai. Pour le coup, la notion d'univers partagé, elle est complètement adéquate là. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. C'est d'ici encore la même tambouille. Hein, et c'est con parce que pourtant d'ici ça aurait pu être super intéressant. Ouais. Mais déjà, je comprends pas pourquoi ils sont pas. Enfin. C'est dommage d'être parti sur. Le problème, c'est qu'ils ont commencé avec Dark Knight, et puis après, ils ont enchaîné sur Man of Steel, qui faisait... Enfin, Dark Knight ne fait plus partie de l'univers, mais Man of Steel fait partie d'un nouvel univers. Et déjà, je pense que ça a confus tout le monde, ouais. Et personne ne se disait, mais pourquoi... Bah, on le voit bien, parce que voilà. Beaucoup de monde n'ont pas trop compris pourquoi Ben Affleck reprenait le rôle de Batman, et que c'était voilà, pas Christian ça. Bale, en fait. Ouais. Et du oui, coup, ça part de là, hein, de toute façon. Voilà, tout ça part de là. Mm. C'est tout simple. Et mais après, il y a eu quand même donc une prise de conscience quand même du public avec Batman v Superman. Oui. Qui a déçu, mais qui finalement s'est rattrapé avec son édition Ultimate. Et puis après, on a enchaîné avec Wonder Woman qui donc partait là, bien. Donc là, on se disait, on était vraiment bien parti. Et ça y est, on se dit, là, ça y est, c'est lancé. Ouais, ça va peut-être puis, marcher. Et après, on a eu Justice League. Voilà. Qui s'est viandé et a raison parce que bon, bah, moi j'aime plutôt bien le film, hein, mais bon, voilà, pour rester honnête, il y a quand même des gros problèmes. Ouais. Et puis après, on a eu Aquaman qui a remonté un peu le niveau. Et Shazam. Et puis Shazam qui l'a rebaissé, non, mais, apparemment. Et entre tout ça, on a des news de Ben Affleck qui était réalisateur. Ça, qui c'est était pas, l'actualité qui ravit. Voilà, tout, qui est plus réalisateur. Enfin, bref, c'est une bordel de gestion. Ah ouais, ouais. Voilà, ah ouais, mais je voudrais pas. Ouais, là, j'aimerais pas bosser chez Warner en ce moment. C'est clair, c'est clair. Ouais. Bref, voilà. C'est vrai que tu bosses, enfin, pour le coup, c'est des pauvres, quoi. Les gens qui sont engagés sur certains ah oui, non, films, ça c'est clair. Pas dans un climat ah non, mais... serein. Hein. Moi, je les plains vraiment, hein, parce que là, ça doit pas être facile. En plus, il me semble qu'il y avait eu pas mal de monde qui était viré suite à Justice League, tout ça, enfin bref. Comme si c'était la faute du personnel. Ouais, voilà, genre. C'est ça. Non, mais attends, ils font avec ce qu'ils ont, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, je pense que malheureusement, les pauvres, ils essaient de faire au mieux, quoi. Bref, voilà. Bon, bah, c'est triste, ça, quoi. C'est triste, mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Non, je pense que maintenant, il faut essayer de... C'est bête à dire, mais je pense qu'il faut essayer de faire un peu le deuil de cet univers d'ici, quoi. Ouais, et faire des films solo, tout simplement. Enfin, non, la solution, ce serait de relancer tout le truc. Mais en même temps, je dis ça, mais j'ai pas forcément envie de voir quelqu'un d'autre à la place de Gal Gadot. Non, mais est-ce que tu veux voir un autre film Superman avec une autre personne, genre 5 ans après Man of Steel? Bah, non. C'est pas possible, quoi. Ça va encore... Le public, là, c'est bon, il est perdu. Mais totalement. Il n'y aura plus personne qui ira voir ces films. Mais il est où Henri Cavill? Ouais, Henri Cavill. Alors que ça lui allait bien en plus, c'est ça le pire. Ouais, ben. Bref. Ouais, bref. On va parler d'autre chose, quelque chose d'un peu plus réjouissant. Bah surtout pour toi, parce que alors moi je suis pas du tout au oui, fait du truc. Ouais. Bah en fait, c'est. Ah si, non, pardon! Ah oui, non, j'ai sauté une ligne. Ah oui, j'ai sauté une ligne. Pardon, non, je voulais pas parler de ça tout de suite. Woody Allen, du coup, qui, donc, son prochain film, Un jour il de plus... Il fait pas d'univers partagé, mais qui pourrait. Il pourrait, avec ses 55 films, plus une série sur Amazon, ouais. Que je n'ai pas encore vu, mais qui apparemment est pas mal. Alors, c'est... Je sais pas le nom. Le nom? Ah, oh, punaise. Tu me poses une colle maintenant. C'est pas avec l'actrice là? je sais plus. Sur Amazon Prime, ouais. Ouais, c'est sur Amazon Prime. Du coup, un jour de plus à New York, il y a eu une bande-annonce qui est tombée. Le film qui était tourné depuis l'année dernière, hein, mais qui va sortir du coup dans nos salles le 18 septembre, du coup. Moi j'avais peur justement qu'il y aurait plus de Woody Allen en salle parce que comme il avait signé un deal avec Amazon que tous ces films iraient sur Amazon, mais finalement ça n'a pas l'air d'être le cas, sachant que Amazon ils ont clairement arrêté le projet de son film qu'il devait faire avec, je crois, donc voilà, il est reparti en solo à 83 ans. Et tant mieux pour lui. Oui, oui, oui. On lui souhaite tout le bien du monde. Enfin voilà. Qu'il fasse encore de grands films. Parce que ses derniers films étaient vraiment bien. Franchement, Café Society, c'était le dernier qui est sorti en salle, il me semble. Il y en a un autre. Wonder Wheel, mais que je n'ai pas vu marché, encore. Qui n'a pas du tout qui n'a plus, pas, surtout. Voilà, ouais, qui n'a pas fonctionné. Qui me tentait beaucoup, que je n'ai toujours pas vu. Parce que là, Un jour de plus à New York, il a été tourné en septembre, ouais. Octobre 2016. Oui, voilà, 2016. Donc c'est vrai. C'est, voilà. D'ailleurs, je vous invite, si vous pouvez, enfin si vous lisez encore la presse papier, waouh. J'ai acheté le premier récemment, le premier qui est sorti pour le mois de juin et juillet. Et il y a une interview du distributeur de Woody Allen qui explique tous les déboires un peu qu'il a eu pour diffuser ce film justement en France. Et c'est assez intéressant à lire. Donc voilà. C'était une petite aparté pour ce film du coup qui s'appelle Un jour de pluie à New York. Ah, c'est Crisis in Six Scenes. Voilà, c'est ça, ouais. La série. Mais ouais. Mais j'ai même pas l'impression que ça soit abouti en fait, cette affaire. Elle est sur Netflix, sur Amazon, pardon. D'accord. Oui, elle est sur Amazon. Ok. Que je l'ai pas encore vu. J'attends de voir en fait tous ces films avant de me lancer dans la série. T'es pas prêt de voir la série. Hein. Voilà. Donc, un jour de pluie à New York, bonne annonce qui avec du coup la révélation de Call Me By Your Name, Timothée Chalamet, Elle Fanning aussi, ou encore la chanteuse Selena Gomez. Il y a aussi Jude Law, Diego Luna et Rebecca Hall au casting. Donc voilà, c'est ça. Woody Allen repart sur New York, même si sur Wonder Wheel il était pas vraiment sur New York, il était sur comment ça s'appelle, une île à côté, Coney Island. Voilà, Coney Island. C'est un parc d'attractions, ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est dans l'air, enfin dans près de New York, voilà. Ouais, mais en tout cas, là c'est vraiment à New York. Voilà, il retrouve sa ville qui a fait toute sa gloire et ses meilleurs films, enfin même si il y a d'autres films que j'adore de lui, genre Minuit à Paris, etc. Enfin bref, il y a plein de films. Pardon. Oui, excusez-moi, aussi. Je suis fatigué. Voilà. Donc, le film parlera de. C'est une comédie romantique qui. C'est celle d'un couple qui est parti en week-end dans la ville de New York et qui est séparé. Enfin, le couple est séparé, du coup, ils vont enchaîner des rencontres fortuites et insolites, voilà. Enfin, c'est du Woody Allen. Un petit côté Minuit à Paris, un peu quand même. Un petit peu sans le côté fantastique, je pense. Ouais. Qui était complètement inattendu d'ailleurs. Ouais, enfin voilà, c'est. Bon, ce film m'a enchanté. Ah, moi j'ai beaucoup aimé aussi. C'est mon préféré d'ailleurs de Woody Allen. Ouais. Et du coup, voilà, moi je. Ouais, je sais. je suis très très impatient de voir ce film. Je cache pas tout mon amour que j'ai pour son cinéma. J'ai vu plus de 35 de ses films. Je suis bientôt au bout. Il m'en reste une vingtaine, on va dire. Je prends toujours autant de plaisir à en voir. Pour moi, il a fait aucun film qui est vraiment nul. Il y a toujours des choses intéressantes dans son cinéma. Donc et même à 83 ans qui continue à tourner, qui continue à bosser comme ça, enfin moi ça me. Ouais, je pense qu'il en a besoin. Hein. Oui, mais de toute façon, enfin, il est névrosé jusqu'à la moelle. Ah, et donc, il est toqué, même. Oui, voilà, c'est ça. Il a énormément de phobies. Non, mais enfin, des choses qu'il a déjà explorées plein de fois dans ses films. Mais le truc, c'est qu'il a toujours des choses vraiment intéressantes à raconter, même. Et que à chaque fois que je vois un de ses films, je me dis, ah, peut-être qu'il a tout raconté, en fait. Mais quand je sors de la salle, je me dis, ah, bah tiens, il avait. Un point de vue intéressant sur telle ou telle chose, etc. Et voilà, on n'en sort jamais complètement encore un autre Woody Allen, quoi. C'est voilà, pour moi c'est vraiment un des derniers grands cinéastes d'une période un peu classique du cinéma. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'il a un peu traversé américain. Les époques Woody Allen. Voilà, c'est ça. Il a commencé dans les années 70. Voilà, donc un peu comme Scorsese finalement. Voilà, c'est Scorsese, c'était même c'est l'époque nouvelle Hollywood, quoi. C'est ça, avant que Spielberg et George Lucas arrivent et viennent avec leur blockbuster. C'est vraiment une période un peu inspirée par la nouvelle vague française, etc. Voilà, il voulait du renouveau, plus de films tournés en studio, des films tournés dans des vrais décors, décors naturels, etc. Pour moi, c'est un des derniers grands cinéastes et il a encore des choses à dire et je suis très impatient de voir son film Un jour de pluie à New York. Parce que déjà, en plus, l'ambiance a l'air géniale. Moi, j'adore les ambiances et la musique qu'il choisit toujours. Enfin, même si c'est toujours le même air de jazz, j'en j'en ai rien à foutre. Ça me... Ouais, mais c'est, le jazz, ça, c'est ça, la vie. C'est toujours, ça me met dans l'ambiance, c'est cool, c'est, enfin, voilà, c'est vraiment super. Et puis les dialogues, enfin, c'est ce qui fait tout le sel d'un Woody Allen. Hein. Clairement, même les moins bons, ils ont toujours des dialogues très, très savoureux. Woody Allen, c'est bien, ça dure une heure et demie. Oui, voilà. C'est pas des films mais de 3 heures. Voilà. c'est pas... de la détente, en fait. Voilà. C'est pas des films de 3 heures où il y a des effets spéciaux partout. C'est vraiment du cinéma de dialogue et presque des pièces de théâtre parfois. C'est vraiment génial, quoi. C'est à suivre, c'est passionnant. Et moi, je prends un plaisir monstre à voir chacun de ces films. Donc voilà. Je pense que tu es aussi. Enfin. T'es curieux de voir ce film, Oui, curieux. Voilà. Donc, voilà. Je vais passer très très rapidement sur la prochaine news parce que c'est pas grand chose. C'est juste concernant le spin-off de The Big Lebowski, film des frères Coen que j'apprécie tout particulièrement. Ce spin-off qui est centré sur le personnage de Jesus. Jesus. Tu as vu The Big Lebowski? Non, je ne l'ai pas vu. Tu l'as pas vu, voilà. Non. Mais je te le conseille. Parce mais je m'en bon. Doute. Ça fait. C'est dans des projets. Hein, oui, oui, bien sûr. C'est moi aussi. J'ai des listes de projets, de films à voir. Là, je suis en train de me. Je suis dans une période de film noir des années 40. Tu vois. J'ai... Donc, non, mais j'ai plein de listes à voir. Mais du coup. Voilà, c'est ce film centré sur le personnage qui est interprété par John Turturro. Voilà, comme ça on voit tout de suite le personnage. Tout de suite. Il suffit de voir l'image qui a été choisie pour la news sur Allociné pour voir un peu le personnage. Il lèche une boule de bowling avec sa langue, voilà, c'est assez drôle. Non, mais dans le film, il est vraiment drôle. Il est là 5 minutes, mais pourtant ça c'est devenu un personnage culte en fait parmi les fans de The Big Lebowski. Et donc le film est réalisé et interprété par John Turturro. Ça va suivre son histoire, quoi. Sachant que John Turturro, son dernière réalisation, c'était Apprenti Gigolo avec Woody Allen, mm-hmm. Qui est sorti en 2014. Voilà. Moi, je suis assez impatient. On va trouver, parce qu'ils ne jouaient pas dans les films originaux. Dans le film original, pardon, John Hamm, Susan Sarandon ou encore Audrey Tautou au casting. Donc pourquoi pas. Voilà, ça suivra une histoire. Enfin, l'aventure. On suivra l'histoire de trois criminels qui forment un improbable triangle amoureux dans la lignée de celui des valseuses dont Turturro avait souhaité réaliser le remake américain il y a quelques années de cela. D'accord. Donc voilà. Moi je suis curieux, peut-être. Pas enthousiaste à mort parce que The Big Lebowski en fait c'est un film vraiment culte avant tout et c'est un très bon film mais je pense qu'il a une aura qui enfin si on voit le film avec tout ce qu'on voit autour etc je pense qu'on peut être un peu déçu en fait. C'est parce que tout le monde n'arrête pas de dire ouais, The Big Lebowski c'est le meilleur film de tous les temps etc. Enfin voilà, c'est il y en a qui sont à fond dedans, qui se font des soirées bowling avec des White Russian, enfin à boire des boissons qui sont dans le film, donc le White Russian qui est du lait avec de la vodka il me semble. Enfin voilà, c'est un univers très particulier qui a été mis en place dans ce film très très spécifique des frères Coen. Qui est vraiment très bon, mais voilà, il faut. Moi, je sais pas si on va retrouver le même charme et le même charme justement qu'il y avait dans le film des frères Coen. Voilà, je sais pas si c'était nécessaire de faire un film sur ce personnage, pour être tout à fait honnête. Donc voilà, pourquoi pas. J'attends de voir vraiment une bande annonce pour être décidé sur mon avis là-dessus. Voilà. Okay. Ensuite, une polémique concernant Disney, voilà. Encore donc, une polémique. Ouais. Encore une polémique à la con, précisons-le. Une polémique à la con, c'est la controverse autour du choix de... alors, je ne sais pas comment on dit, Ali Bailey, je pense. Ali Bailey. Oui, je pense que c'est parce ça. Que, voilà. pour qui va incarner du coup la Ariel. Petite sirène Ariel dans l'adaptation live de Disney. Le problème pour certaines personnes, c'est qu'elle elle se trouve qu'elle est afro-américaine et que c'est apparemment, enfin, c'est une polémique autour de tout ça. Certains ont crié à la trahison, par rapport au conte danois d'Anderson. Sachant que Disney avait très bien respecté le conte danois d'origine, enfin vraiment. Oui, en transposant le truc dans les tropiques, oui, bien sûr. Voilà, c'est ça, totalement. vraiment, avec un crabe qui danse. Enfin, qui a un joli petit accent antillais quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, enfin bref, c'est vraiment. Mais d'une absurdité totale, voilà. Donc après, reste à savoir. Alors, qu'est-ce qui choque les gens ? C'est le fait qu'elle soit, afro-américaine, ou c'est le fait que ça soit une chanteuse de R&B à la base. Mais... Après voilà. Alors moi, ça ne me gêne pas. Ça me gêne pas. C'est vrai que je dirais pas que ça m'a pas surpris. C'est vrai que quand ils ont parlé d'adaptation live, ben moi je m'attendais au truc bateau. Ils allaient prendre une actrice rousse, quoi. Voilà. Ouais. Parce que je pensais vraiment qu'ils allaient faire le copier-coller du dessin animé. Oui, comme on a vu pour Le Roi Lion. Le Roi Lion, je ne l'ai pas encore vu, mais je pense que c'est ça. On s'avance pas trop en disant que c'est ça. Aladdin, enfin voilà, des choses comme ça. Il y a des petites nouveautés, voilà. mais ça reste là, c'est vrai que du copier-coller, quoi. Emma Watson ressemblait à Belle. Lily, je ne sais plus comment, ressemblait à Cendrillon. Enfin voilà. Donc il y avait quand même cette cohérence qui avait été maintenue jusqu'ici, et c'est vrai que dans un souci de cohérence, finalement, quand tu réfléchis bien, une sirène qui vit sous les tropiques et qui n'est pas plus bronzée que ça dans le dessin animé, finalement, ça n'a pas beaucoup de sens. Oui, voilà. On a toujours quand même cette image un peu mythique de la sirène qui bronze sur son rocher se coiffant. C'est vrai que tu te dis, voilà, si elle passe sa journée à... En plus, Ariel, elle est curieuse, donc tu te doutes bien qu'elle, ce qu'elle veut, c'est aller sur Terre. Donc, son père dans le dessin animé l'engueule quand même parce que elle a tendance à trop remonter à la surface et du coup à dévoiler en fait sa nature de sirène. Donc tu te doutes quand même. Enfin, c'est vrai qu'au final, quand tu réfléchis bien, tu te dis pour une sirène qui passe quand même pas mal de temps à la surface, qu'elle soit pas plus bronzée que ça. Oui, voilà. C'est assez surprenant. Pour donc, moi, je trouve les deux camps un peu les deux camps extrémistes, entendons bien, vraiment débiles, parce que on sait très bien que si on avait adapté La Princesse et la Grenouille avec une actrice blanche, ça aurait fait scandale aussi. Bah oui. C'est ce que tu avais dit. C'est ce que j'avais mis en commentaire sur Disney. Ouais. Et moi, j'avais trouvé ça très pertinent. Et voilà. Et en même temps, pourquoi prendre directement, être aussi offusqué que ça par une petite sirène noire. Moi, c'est vraiment des choses qui me, je comprends pas. Et puis elle est pas noire, elle est métisse, quoi. Voilà, elle est métisse. Et c'est vrai que quand tu replaces l'histoire dans le contexte, ça se trouve elle est asiatique. Et puis la connerie, ce serait finalement de prendre une actrice métisse, mais du coup de replacer l'action du film c'est en Suède. C'est pas en. Au Danemark. C'est au Danemark. Enfin. Dans un pays scandinave, quoi. Anderson, il est danois, il me semble. Je sais plus, j'ai un doute entre les deux nationalités. Je crois. Mais bon, en tout cas, c'est dans la mer du Nord. Donc, ou la mer Baltique. Bref, c'est dans les pays scandinaves. Et. C'est là que ce serait con. Oui. Ce serait con, par contre, de dire, mais par contre, on a pris du coup une actrice afro-américaine, donc à la peau métisse, mais on va aller dans la mer du Nord. Alors là, pour le coup, ce serait con, effectivement. Oui. Mesure où, a priori, ils sont quand même dans l'idée de continuer de rester dans dans l'univers du dessin animé, il se passe dans les Caraïbes. Ils ont pris. Alors, il y a Harry Styles qui est en pourparlers pour le prince. Pour le prince Eric. Ouais. Et pour le coup, le prince Eric, et le prince Eric dans le dessin animé, c'est un... Enfin, c'est pas expliqué, mais je veux dire, on se doute bien que c'est quand même un Européen qui est venu dans le coin. Mmh. Bah oui. Donc c'est, ça ne me choque pas plus bah que non, ça. Puisque... Par contre, là, j'ai vu qu'il y a 8 heures, il y avait... comment il s'appelle ? Javier Bardem, qui était en pourparlers, lui, pour jouer Triton. Mmh. Ah bah là, pour ouais. le coup, si sa fille est métisse, il va y avoir incohérence. Oui, ouais. Parce que Javier Bardem, il est mexicain ou espagnol ? Espagnol, il me semble, ouais. Espagnol. Bon, ben, en Espagne, voilà, je veux dire, t'es pas... Ouais, non, ils mais... Pas, ils, sont enfin... pas, ils sont pas pâles, mais ils sont pas non plus bronzés. Enfin, ils sont... Oui, ils sont bronzés, oui. Ils sont bronzés, quoi. Ils sont... Ouais, non, mais... Enfin, pour moi, c'est un peu... C'est, tant que c'est cohérent et ben que, oui. ça, que ça... C'est fait vrai que pour le coup, Javier Bardem en Triton, ça fera bizarre. Il y avait, en pourparler... Enfin, non, j'avais vu sur les réseaux sociaux que Terry Crews était intéressé par le rôle et je trouvais ça intéressant. Mmh. Terry Crews, je sais pas si tu vois qui c'est. Si. Si. Et ouais. justement, je trouve qu'il ferait un super Triton. Bah oui. Parce que il a le corps pour, clairement. En plus, ouais. Bah oui. Et enfin voilà quoi. Javier Bardem, je suis désolé, d'accord, il est peut-être musclé, mais il est pas musclé comme. Ah oui, non, mais après, c'est pas la carrure qui me gêne. Ouais, c'est plus là ouais. pour le coup, c'est vrai que bah, si je pars du principe que sa fille est censée être Hayley, je sais plus comment. Oui, effectivement, là, pour le coup, il y aura une incohérence. Mais après, encore une fois, quand ils ont annoncé la petite sirène, ça a fait polémique. Alors, je me suis dit, mais les gens sont cons ou quoi ? En plus, ils prennent une chanteuse, donc c'est quand même important. Mais c'est bien. Une sirène. Enfin, attends. Mais oui. Parce que Emma Watson, elle va savoir on est chanter. Faut quand même pas oublier que dans le dessin animé, pour avoir le droit d'avoir, elle échange sa voix en gros contre des jambes. Oui. Donc. Enfin, tu peux pas prendre une actrice qui ne sait pas chanter, pour le coup. Ouais, je pense que là, le fait de choisir une chanteuse, il y a quand même une vraie volonté de faire les choses bien. Oui. Et d'ailleurs, en parlant d'Ursula, qui est l'antagoniste principale, ce serait apparemment Melissa McCarthy. D'accord. C'est pas un choix de casting qui me choque non plus. Je sais pas si elle sait chanter. Mais... Ben non, après, mais par contre, chanson... je pense que Ursula elle a ce côté assez loufoque. Ouais, voilà, c'est ça. Qui pourrait. Enfin, que Melissa McCarthy serait capable de capter, je pense. Oui. Ouais. Et là, pour le coup, c'est vrai que quelque chose qui m'aurait pas choqué, par exemple, ça aurait été de prendre une drag queen pour faire Ursula. Bah oui, ouais. Elle a été elle est très inspirée de Divine, la drag queen qui avait joué pour. Dans les films de Waters. Ouais, Pink Flamingo, c'est tout ça, là, voilà, John Waters. Ça. John Waters, ouais. Et c'est vrai qu'elle était très, très... Divine a beaucoup inspiré les dessinateurs pour Ursula. Mm-hmm. Je crois que ça ne m'aurait pas choqué, du coup. En plus, là, on en a une drag queen plus jeune qui ressemble beaucoup à Divine, qui aurait pu faire une Ursula... parfaite en fait. Bah oui. Mais après voilà, je pense que bon, après bon, Ursula c'est un personnage féminin, ils prennent une femme, ça me choque pas. Oui. Ça me choque pas, il est pas spécifique, elle est transgenre ou quoi que ce soit, enfin oui, il y a pas de doute sur l'identité sexuelle d'Ursula. Ursula c'est une pieuvre femme, quoi. Mmh. C'est une sirène pieuvre, je sais pas trop comment... Ouais, ils lui ont mis des tentacules, mais ça reste une sirène... c'est une sorcière des mers, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, voilà. Ce sera plus simple. Non, je pense que Melissa McCarthy fonctionnera bien dans le rôle. Après, la polémique autour de l'actrice qui va jouer Ariel, je trouve qu'elle est... C'est incohérent, quoi. Enfin, les gens s'offusquent pour tout. Pour rien. Voilà. Mais en fait, tout ça, c'est juste parce qu'un personnage est d'une couleur de peau ou d'un sexe différent. Enfin, mais après, Disney, ils ont raison. Ils soutiennent leur choix. Et ils ont raison. Faut arrêter. Enfin, c'est pas les gens qui font un film. Hein. Voilà. Et puis même, on s'en fout qu'elle soit noire ou asiatique. Et puis pour citer Alexandre Astier, parce que c'est toujours bien de le faire, faut arrêter de donner aux gens ce qu'ils ont envie de voir, faut plutôt leur donner des choses qu'ils pourraient avoir envie de voir. Et pour le coup, moi je pense que ce choix de casting est assez cohérent. Moi en tout cas, ça me choque pas. Non, ça me non, choque non. pas et je pense que ça peut amener quelque chose de différent. Après, ça se trouve, le film va être merdique. Hein, et ce mais sera... oui, peut-être. Voilà, alors et... que pourtant, un petit sirène en live, ça peut donner de belles choses, je pense. À oui, oui, oui, voilà, c'est ça. Mais... C'est... Et ce sera pas à cause de l'actrice est noire ou l'actrice est blanche. C'est pas ça, c'est ça. Le qui fait le l'intérêt d'un film. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que c'est pas parce qu'ils font des versions live que c'est forcément obligé que ça soit des copier-coller. Oui, et puis c'est pas la réécriture de l'histoire. Tu peux toujours voir le film animé. Ah oui. Moi, je préfère 100 fois voir un Maléfique qui prend des libertés que revoir un Cendrillon, même si je l'aime bien, hein, Cendrillon, c'est pas le souci, mais ou que revoir un Cendrillon ou le Roi Lion ou le Livre de la Jungle qui sont quasiment des copies conformes, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Au moins, il y a un peu d'ambition derrière. C'est plus intéressant quand même. D'ailleurs, si tu veux revoir la même chose, c'est bête à dire, mais revois le dessin animé, quoi. Mmh. À ce moment-là, enfin, le dessin animé se suffit à lui-même, en fait. Oui, clairement. Donc, bon, voilà, c'est une polémique qui sert à rien. Il y avait eu, ça aussi quand on avait vu qu'il y avait un noir derrière la Stormtrooper. Bon, pour Star Wars, c'est n'importe quoi. Enfin, bref. Bref, c'est de la bêtise pure. Donc, les gens, arrêtez d'être cons, ouvrez, enlevez vos œillères et essayez de vous ouvrir un peu, quoi, parce que on est en 2019, merde, quoi. Voilà. Ouais. C'est quand même tout dingue qu'on soit obligé de se prendre la tête pour des trucs comme pour ça. Pour ça, quoi. Enfin, surtout, c'est de l'air gâché, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. on va passer à une ambiance. Alors là, pour le coup. Qui, ça n'a rien à voir. Qui est un peu plus maléfique, oui. En parlant de... Même si ça n'a rien à voir, voilà, avec Angelina Jolie. Et pour voilà, le coup. Hein, c'est... Ouais, j'aurais pu faire la transition parfaite si j'avais choisi la news juste après, mais c'est pas grave. Je parle de Halloween, du coup, Michael Myers. On avait fait un petit... Je fais une petite pub pour notre hors-série saga qu'on avait fait avec Morgan et Adrien. Que je n'ai pas écouté, hein, du coup, je l'avoue. Ouais. Hein. Mais parce après... que bah, je lui connais pas assez les films Halloween pour. Et puis on spoil allègrement tous les films Halloween. Donc, en plus, voilà. Donc bon, j'ai bien fait. Donc si un jour tu avais envie de les voir, dedans, ouais. Voilà, c'est. Oh, c'est pas gagné, ça. Ouais. C'est non, pas dans y mes y projets. Il y en a certains que je te conseille pas, hein, clairement. Oui, oui, bah, je m'en doute. Donc, mais c'était sympa à voir. Et enfin, voilà, je vous conseille de l'écouter, hein, si ça vous intéresse. Et du coup, si vous l'avez écouté, vous savez que moi, j'étais pas méga fan du reboot qui a été fait récemment, en octobre. Qui du coup, oui, la news, ça tarde plus quand même sur ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. La news, ça concerne justement le reboot d'Halloween, qui a très bien fonctionné, puisqu'il ouais. a rapporté 255 millions de dollars pour un budget de 10 millions. Il n'y a rien coûté. Bah oui. Voilà, comme les Halloween, ça coûte rien, mais ça rapporte beaucoup. Hein, c'est ça. Voilà. Et c'est donc, un sacré concept quand même. Oui, cette fois c'était produit par Blumhouse, du coup, qui est un peu la société de production des films d'horreur en la nouvelle Hammer. Oui, ouais, on va dire ça comme ça. et du coup, là, David Gordon Green, qui avait réalisé le reboot, tournera la suite de ce film, mais aussi, il va tourner deux suites. Du reboot d'Halloween qui est sorti en octobre 2018. Ouais. Du coup, une date de sortie serait calée à octobre, vers Halloween, bien sûr. Ah oui, c'est cohérent. En 2020. Et la rumeur voudrait que le deuxième film sortirait à un mois d'intervalle. Donc voilà, pourquoi pas. Ah oui. Hein. Ouais, c'est un peu bizarre, hein. Je sais pas comment. D'accord. Enfin, ils veulent. Un peu faire comme une série de télé, ou je sais pas. Ouais. Mais voilà, en tout cas, on n'a pas plus d'informations sur cette suite. Ils se mettent à la mode des DLC épisodiques. C'est ça, exactement. apparemment, ça a été confirmé que Jamie Lee Curtis reviendrait dans son rôle. Ah oui, tu penses. Pour la énième fois. Enfin, pour la énième fois, pour la troisième. L'increvable Jamie Lee Curtis. C'est tout. En tout, elle a tourné dans... Ouais, non, elle a tourné dans plus de films que 4 films, mais voilà. J'en dévoile trop, ouf. non, mais du coup, voilà, elle reviendrait en rôle principal pour cette suite, et peut-être pour les deux suites. Moi, je suis pas super excité, j'irai sûrement les voir, parce que voilà, j'ai envie de connaître la suite, mais le parce film... Parce que là, il se termine sur un cliffhanger, là, celui-là. Non. C'est une fin fermée, mais qui peut avoir des ouvertures. C'est une fin fermée, slash ouverte, parce que à la fin on entend des choses. Enfin voilà, bref. Ok, d'accord. C'est ouais, moi déjà j'avais pas aimé la fin de du premier, enfin de ce Halloween, donc voilà. Je sais pas. J'irai le voir, mais sans enthousiasme. Voilà. Ok. On passe. Ambiance Maléfique, ah, je la refais. Bah oui. Voilà, on a eu la bande-annonce de Maléfique 2, du coup, qui sortira le 16 octobre 2019 chez nous. Mm. Il y a un sous-titre, hein, d'ailleurs. Hein. Maléfique 2, qui a un sous-titre. Je crois qu'il a d'ailleurs un sous-titre en VO aussi. Le pouvoir du mal. Ok, d'accord. Et en VO, c'est Mistress of Evil. Ah oui, ouais, voilà. Donc Maîtresse du mal. C'est ça, ouais. Ok. Oui, c'est ça. Donc cette fois-ci, on en sait un peu plus sur l'histoire. Du coup, dans cette bande-annonce, puisqu'on voit les aventures de la princesse Aurore, ces dernières souhaitent se marier avec son bien-aimé, le prince Philippe, ce que lui refuse catégoriquement sa mère adoptive, du coup, Maléfique. Et du coup, la reine Ingrid prend la jeune femme, donc Aurore, sous son aile pour l'émanciper du joug toxique de la sorcière. Mm-hmm. Voilà. Après, c'est pas du goût de Maléfique, bien sûr. Elle va déchaîner toute sa magie pour, enfin voilà, pour faire une grosse bataille avec des pampans boum boum de partout. Voilà. Bon, ça a l'air très joli quand même. Oui, visuellement, ça a l'air joli. Les scènes de bataille, je suis. Ça m'a rappelé Alice. Ouais. Enfin, dès qu'il y a des scènes de bataille magiques comme ça chez Disney, ça, enfin moi j'aime pas trop, je suis pas fan. Tout l'aspect, genre quand il fait jour et tout ça autour de Maléfique, les ailes, etc. C'est magnifique. Les décors sont sublimes. Mais dès que ça se passe dans le noir et qu'on se bastonne avec des créatures magiques, se bastonne, moi ça me saoule, mais. Ouais. À un point, je trouve ça mais d'un ennuyeux, quoi. Parce que, enfin, ouais, bref. Oh, je trouvais le dragon pas trop vilain, quand même. Le dragon, ça va. Le dragon, ça va. Mais enfin, c'est Maléfique. Enfin, non. Non. Oui, non, parce que dans l'animé, dans le l'animation, c'est Maléfique qui se transforme en dragon. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est comme ça qu'il arrive à la vaincre, d'ailleurs, ouais, Philippe. Ouais, ouais. Mais. Mmh. Mais dans le film, non, elle invoque. Non, elle invoque pas un dragon dans le. Dans le film. Bah si, elle invoque un dragon, mais via. Via son oiseau, quoi. Via le corbeau. Ah oui, le corbeau. Oh putain, ouais, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu le Diaval, premier. C'est ça. Donc du coup, c'est le cinéaste norvégien Joachim Rønning qui était réalisateur sur Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar. D'accord. Qui officie à la réalisation. Il succède à Robert Stromberg. Et du coup, moi j'avais. Dans mes souvenirs, il me semble que Angelina Jolie était peut-être en pourparlers pour réaliser le film, et du coup, ça ne se fait pas, justement. Ah d'accord, j'ai pas ce souvenir-là, non. J'avais ce souvenir d'une news, peut-être c'était une rumeur, mais en tout cas, je crois qu'Angelina Jolie était en pourparlers pour réaliser le film, en tout cas, ça ne se fait pas. C'est Joachim Rønning, voilà, qui a fait La Vengeance de Salazar, le cinquième Pirate des Caraïbes. Donc voilà... Les derniers, du coup, avec Johnny Depp, en tout cas. Oui, voilà. Moi, la bande-annonce, au début, m'a enchanté. Je trouvais ça cool, jusqu'à la bataille, en fait. La bataille, ça m'a saoulé. Et après, on découvre un peu le peuple de Maléfique. Ce qui peut potentiellement être intéressant, justement. Et c'est là où ça a commencé à me réintéresser, justement. Bah, ce sera des faits, du coup. Oui, voilà, c'est ça, les faits. Ce sont des faits, en fait. Voilà. Puisque le film rétablit la vérité, Maléfique n'est pas une sorcière, mais une fée. Et une fée, voilà. C'est vrai. C'est vrai, hein, c'était malmené, oui, finalement, dans le film d'animation. Et dans le conte, c'est une fée. L'une des sept fées qui doit bénir Aurore. Bon, sauf que Maléfique... Elle n'est pas là trop pour bénir. Pas trop. voilà, donc moi, j'avais moyennement aimé le premier. J'ai beaucoup aimé. Mais il faut que je le revoie, parce que je pense que je l'apprécierais peut-être mieux avec un second visionnage. Toi, je sais que tu as beaucoup aimé, donc du coup... Moi, j'avais beaucoup aimé, parce que le premier, je trouvais que c'était vraiment... Ça m'était vraiment... Comment ? Ben, par rapport aux autres films live, c'est vraiment celui qui se détache. Parce pour moi, oui, je pense que c'est le plus intéressant, en fait. C'est, oui, certainement celui que j'ai préféré, même si finalement, je le considère pas vraiment comme un film live, ouais, en ouais, fait. Ouais, c'est vrai. Parce c'est que pour moi, c'est pas une adaptation de La Belle au bois dormant, mais c'est plus une relecture. Ouais. Et c'est vrai que... comment dire ? Moi, j'avais beaucoup aimé parce que c'est un film qui exploitait assez bien l'adage qui veut que l'habit ne fait pas le moine. Oui. Qui du coup nous montrait Maléfique, mais dans sa fragilité. Le seul souci que le film avait, c'est que elle s'appelait Maléfique, en fait. Et Maléfique, en fait, ça joue un peu là-dessus. C'est que, finalement, Maléfique, c'est pour nous, c'est un adjectif. Là, c'était un prénom. Et du coup, le fait qu'elle devienne méchante dans le film, c'était expliqué. Et du coup, on peut supposer aussi que c'est ce qui donne son sens à l'adjectif maléfique, alors qu'en fait à la base c'est un mot quoi. Ouais. Mais et c'est ce que j'aimais beaucoup dans le bon, c'est pas ça, c'est une interprétation que je me fais, hein. Le film ne raconte pas ça, mais c'est un peu ce qu'on peut y voir. Et moi j'avais beaucoup aimé parce que c'était vraiment il y avait une volonté déjà donc de pas faire une version live simplement, mais de vraiment relire un peu l'histoire du point de vue de Maléfique, parce que pour le coup elle est Angelina Jolie, c'est vraiment, elle le compose vraiment comme un personnage plus délicat, qui réfléchit, qui a ce côté un peu maternel aussi. C'était ça qui faisait, je trouve, la force du personnage. Alors que Aurore, c'est vraiment la princesse bateau, cucu les petits oiseaux, voilà. Ouais, voilà. Et on sentait qu'il y avait un peu d'autodérision même un peu là-dessus. Il y avait vraiment une nuance volontaire entre les deux. Un fossé même. Ouais, clairement. Et du coup, moi j'aime le film aussi par rapport à ça. Et le souci est que j'ai avec la bande-annonce du deuxième, j'ai pas vu le film, on va pas, on va pas trop s'avancer, mais c'est que j'ai l'impression que ça me va en fait tout le contraire. C'est que pendant le premier film, on essayait de nous faire comprendre que finalement, Maléfique, elle n'est pas si maléfique que ça. Ouais, là, il ne faut c'est... pas se fier aux apparences, parce que au final, elle a juste... elle a été bafouée quoi. Donc ouais. C'est ce qui explique finalement son geste. Ah, la scène des geste. Ailes, elle est encore. Bah oui, c'est assez rude hein, quand même. Ah, et ouais, puis ouais. Elle le joue très bien. Et du coup, le film, le second film a l'air d'annoncer complètement autre chose. En fait, non, Maléfique, non, c'est vraiment quelqu'un de méchant. Faut pas que tu peux pas rester avec elle. Oui, voilà, c'est ça. Et elle pète un câble, pour rien du tout. Merde, quoi. Vous êtes fait chier pendant un film à nous expliquer que finalement c'était pas vraiment une méchante. Et là, vous retournez votre veste ou quoi? Non, c'est... Alors, il y a deux solutions. Soit les scénaristes, du coup, prennent vraiment l'avis des gens en compte. L'avis de ceux qui n'ont pas aimé Maléfique et vont essayer de leur montrer finalement, mais en fait non, vous avez raison, c'est elle la méchante, on peut pas la faire devenir une gentille, c'est trop osé, on peut pas froisser le public comme ça, donc ne soyons pas audacieux, tout va bien. Ou soit la vraie méchante, ça va finalement être la reine Ingrid, qui est jouée du coup par Michelle Pfeiffer. Donc déjà, alors moi, le face-à-face Jolie Pfeiffer, j'ai envie de voir ça. Ouais. Parce que c'est quand même deux actrices assez emblématiques, puis qui ont toutes les deux une classe, je trouve. Déjà dans le regard, les deux, l'une comme l'autre, elles ont quelque chose, je trouve, qui te saisissent un peu. Ouais. Donc moi j'ai envie de voir ça, mais est-ce que finalement Maléfique ne redeviendrait, est-ce qu'elle va vraiment redevenir méchante, ou est-ce qu'elle va juste vouloir protéger Aurore de la vraie méchante qu'on soupçonne pas? J'espère quand même que ça va plus aller dans cette direction-là. Oui, moi parce que aussi. Si c'est vraiment juste pour refaire de Maléfique une méchante, merde quoi. C'est débile. Bah non, c'est complètement con. Ouais. Mais bon, ils nous ont prouvé qu'ils étaient capables de tout. Oui. Donc, en bien comme en mal. Hein. Voilà, donc à voir. Après, visuellement, ça a l'air très joli. Moi, les scènes de bataille, ça me gêne pas. Hein. Moi, j'aime bien ça. Ouais. Donc, non, mais ça, c'est personnel. Hein. C'est... Oui, ouais, c'est subjectif. Ouais. Donc, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi alors, pas. Ok. Et là, on va passer à un film où les scènes de bataille m'enchantent. Bah, un oui. Point. Bah, il faut. J'espère. Hein. Mais en tout cas, ça a l'air bien parti. Mulan, première bande-annonce qu'on a eue pour la version live du film de Disney, que j'annonce déjà et que certains savent, mais c'est mon Disney préféré. Mm-hmm. Voilà. Donc, film live action porté par Yifei Liu, pardon, qui joue Mulan, et attendu en mars 2020 sur nos écrans. Le film est réalisé. Par Nicky Caro. Voilà, Nicky Caro, voilà. Qui avait fait Pai et c'est P-A-I. Oui. Parce que Pai, c'est Tarte, c'est un autre réalisateur. L'affaire José Ames. Donc, en fait, j'ai vu aucun de ses films. Hein, je ne sais pas. Mais l'affaire José Ames, de mémoire, c'était pas mal. D'accord. Donc, elle met en scène le film deux décennies après la version animée. Mm-hmm. Le destin légendaire de la jeune chinoise Hua Mulan, qui est destinée à être mariée, mais elle s'engage dans l'armée impériale en se faisant passer pour un homme afin de prendre la place de son père, mobilisé pour défendre son pays de l'ennemi. Voilà. Ça, c'est la légende type de Mulan, telle voilà, qu'elle est racontée aux enfants en Chine. Exactement. Donc, film qui sort le 4 mars 2020. Yifei Liu est une comédienne et chanteuse. Et pourtant, le film n'aura pas de chanson et n'aura pas d'envolée trop cartoonesque. Je pense qu'ils vont. Et la bande-annonce le montre. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas Mushu, voilà. C'est le, voilà. Alors, il n'y aura pas Mushu. À mon avis, il n'y aura pas Mushu, il n'y aura pas de petit dragon animé qui accompagnera Mulan dans le film. Voilà. Il n'y aura pas Criquet non plus, hein, je pense pas. Oui, non, alors là. S'il n'y a pas Mushu et s'il y a Criquet, il y a tout le monde qui fait un scandale. Par contre, je pense pas qu'il y aura. En fait, il n'y aura pas Mushu physiquement. Mm. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il ne sera pas là. Ah. Moi, je le vois ce un peu comme un ça. Esprit. C'est un peu l'élément déclencheur, quand même, aussi, malgré tout. C'est vrai. Bon, l'élément déclencheur, c'est la décision de Mulan de s'engager dans l'armée contre la volonté de tout le monde. Mais après, c'est ses ancêtres. Après, il n'y aura pas forcément les ancêtres non plus. Alors, soit il n'y a pas Mushu du tout, mais ça veut dire qu'il n'y a pas non plus les ancêtres. Il n'y a rien. Et c'est vraiment la légende de Mulan brute. Ouais. Soit il y aura quelque chose d'un peu plus mystique et on n'aura pas forcément Mushu physiquement, mais on l'aura peut-être autrement. Il y aurait Eddie Murphy qui fait la voix dans sa tête. Non, bah, c'est de pas toute possible. Façon, c'était qui? C'était José Garcia en français. Ah, il me semble, ouais. Et ouais. Qui faisait bien le job d'ailleurs. Ouais. Moi en tout cas, la bande-annonce m'a plu. Ah ouais. Parce que c'est beaucoup plus sobre et je suis content de voir un peu de sobriété chez Disney. Ah ouais, effectivement, ça a pas l'air de partir dans des trucs lyriques et tout. C'est pas pour autant que le film sera pas lyrique, hein. Je pense qu'on aura quand même de belles séquences avec de belles musiques, mais pas forcément mais pas de chansons du coup. Mais la musique c'est de Goldstein. Goldsmith, pardon. De Goldsmith, et justement il y a une scène qui est une des plus belles scènes même pour moi du cinéma en général dans le film d'animation. C'est la scène où elle décide de s'engager dans l'armée et se coupe les cheveux, et il y a la musique derrière au synthé, mais qui est tellement épique et vraiment il y a beaucoup de références aux animés aussi, aux mangas. Voilà, c'est ça. La culture asiatique, de toute façon. Clairement, avec la scène où on voit son œil dans l'épée et tout bref. Pour moi, cette scène, l'animation, la musique, le choix de ne pas mettre de dialogue, faire par la musique, c'est une scène qui est parfaite. Parfaitement parfaite. Et je ne sais pas si on arrivera à retrouver ça dans le film, j'espère. Je pense que c'est le genre de truc qu'on aussi va avoir quand même. J'ai espoir et je touche du bois, de la peau de singe, ce que vous voulez. Je pense que c'est le genre de truc quand même qu'on devrait retrouver. Je pense justement que les choix ont été faits. Ça va être un film plus sérieux. Ouais, voilà. Donc, pour aller plus dans quelque chose comme ça que dans le côté un peu plus cartoon, quoi. Tu seras un homme, la chanson, ou des choses comme ça. Je pense. Honnêtement, je pense. Après, j'espère. Comme un homme, pardon. Y a juste un truc qui m'a interpellé dans la bande-annonce, c'est qu'à un moment, on la voit se battre et elle a les cheveux longs. Oui, avec l'arc. Et donc j'ai pas compris. Alors je me suis dit, bah, c'est que, ou alors c'est qu'il y aura toute une partie avant. En fait, ça va pas être un peu comme dans le dessin animé où finalement elle s'engage assez vite dans l'armée. Mais à mon avis, il y aura toute une partie où avant, bah, elle va se préparer en fait. Oui. Elle va clandestinement aller s'entraîner à tirer à l'arc, à se battre à l'épée, et après, elle partira dans l'armée. Je pense qu'en fait, c'est ça la réponse. Parce que techniquement, si elle se fait passer pour un homme, bon, même si je pense qu'il y avait quand même. Les Chinois n'avaient pas les cheveux forcément courts. Ils avaient les cheveux un peu comme dans le film, les cheveux au carré, quoi. Ouais. Les cheveux au carré, mais peut-être même qu'il y en avait qui avaient les cheveux longs, en fait, tout bêtement. Et c'est juste qu'on ne l'a pas trop vu jusque-là, en fait. Ouais. À voir. Alors, moi, personnellement. Déjà, la première chose, c'est que j'étais curieux de savoir comment ça allait se passer, etc. J'ai plus d'informations maintenant, donc je suis un peu plus rassuré. Quand j'ai entendu qu'il n'y aurait pas de musique, qu'il n'y aurait pas de chansons, et qu'il n'y aurait pas Mushu aussi. Presque con parce qu'elles sont tellement bien, les chansons. Les chansons sont excellentes. C'est pareil, il n'y aura peut-être pas les chansons, mais il y aura peut-être l'instrumental. J'espère vraiment. Voilà, qu'il n'y aurait pas Mushu, etc. J'étais un peu déçu, je vais pas le cacher, parce que ça fait partie de mes trucs que j'adore dans le film. Eddie Murphy en VO, pour moi, il est parfait. Les chansons sont géniales. C'est surprenant d'ailleurs que ça soit Eddie Murphy en VO et qu'en français, ça n'ait pas été Med Hondo qui est doublé. Vrai. C'est vrai. Même si José Garcia a fait du bon boulot, hein, je trouve. Je l'avais vu. Oui, il me semble. Ouais. C'est vrai qu'il a fait du bon boulot, mais c'est étonnant. C'est vrai. En tout cas, voilà, j'étais un peu déçu. Quand j'ai vu l'abondance, j'étais soulagé. L'affiche. L'affiche qui reprend vraiment celle du dessin animé. Elle est magnifique, j'ai envie de l'afficher dans ma chambre, mais vraiment. Elle est sublime, franchement. J'adore. Quand j'ai vu la bande-annonce, quand j'ai vu la réalisation, je me suis dit waouh, mais ça a l'air d'être inspiré des films justement de sabres chinois que j'adore. Ouais. Ça c'est cool, hein. Franchement, je serais vraiment content qu'un projet chez Disney soit comme ça et puisse faire un peu l'unanimité, quoi, se dire ah voilà quand même. Il y a des réalisateurs quoi aussi chez Disney. Mais... c'est pas juste une usine à fric, quoi. Voilà, c'est ça, parce que ça a l'air tellement d'avoir une patte spécifique, très inspirée asiatique, et pourtant la réalisatrice n'est pas asiatique, n'a pas travaillé dans l'industrie cinématique chinoise, etc. Et pourtant ça c'est tellement bien fait, en fait on a l'impression de voir un vrai film de Chouyark ou de grands réalisateurs justement de sabres japonais ou chinois, vraiment, moi je suis conquis au niveau de la réalisation. Pour moi, ça va être artistiquement déjà, ça a l'air génial. Au niveau du casting, on retrouve aussi Jason Scott Lee, Donnie Yen, Gong Li et Jet Li. Oui. Dans le Gong rôle Li de Gong Li qui est assez connu aussi, hein, qui a joué dans pas mal de films. Elle n'a pas joué chez Tarantino, Gong Li ? Il a joué dans elle a joué dans Coming Home. Moi je la connais, elle a joué dans Mémoire d'une geisha. Oui, voilà. Et elle a joué dans Coming Home de Yimou Zhang, qui est un grand film chinois aussi, qui est sorti en 2014. Moi je suis surexcité pour ce film, c'est le film que j'attends le plus chez Disney. Ouais. Hors Pixar, vraiment, même Frozen 2, je l'attends moins que ça. Mm-hmm. Parce que Mulan, ça a l'air mais génial, artistiquement, visuellement ça a l'air splendide. Les acteurs, ils ont l'air vraiment parfaits pour leur rôle. Et si, comme c'est bien qu'il ait annoncé tout de suite, ça va être un film sérieux. Voilà, il y aura peut-être quelques blagues, etc. Disney, oui. Mais ça reste, c'est familial tout ça, mais ça reste un film sérieux et pas qui part pas dans le cartoonesque. C'est bien qu'il l'a annoncé avant pour qu'on soit pas déçu en allant voir le film. Et moi je suis surimpatient de voir ce film. Voilà. Pareil. Voilà. Franchement, c'est... De toute façon, c'est le projet live qui m'intéresse... Le plus. Qui m'intéresse, hein, le plus depuis que c'est annoncé, en fait. Ben, ouais, parmi tous ceux qui sont annoncés actuellement. Ouais, non, mais clairement, c'est le seul où je vois vraiment un intérêt, un vrai intérêt artistique à le produire, quoi. Ouais, complètement. Parce que même La Petite Sirène, on en a parlé avant, mais l'intérêt, bof bof, quoi. Bah, l'intérêt, il est plus visuel, quoi, parce que bon, voilà, c'est une aventure un peu sous l'océan et tout, ça donne souvent de belles choses, quoi. C'est ça, mais si c'est pour faire du plan par plan... Bah non, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Oui. On passe à un autre film qui sert à rien. Alors là, pour le coup... Bon, on va parler très rapidement de Dora et la Cité Perdue. Voilà, le film mais qui c'est sort... Mais c'est pas facile à définir, hein, comme projet. Hein, parce que tu te dis un peu, mais qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là, quoi. C'est vraiment étrange comme projet. C'est quand on voit la bande-annonce, on se dit, mais dans quoi on est tombé? Vraiment. Parce que, pour faire un coucou à Adrien, c'est malaisant, en fait. c'est vraiment ça, parce que en fait, le film a vraiment... Mais j'ai jamais vu un film avoir autant le cul entre deux chaises que ce film. Parce que il essaye... Même la bataille des cinq armées, dis donc. il est réalisé par James Bobin, qui avait réalisé Alice de l'autre côté du miroir. Ah, c'est vrai. Voilà, en plus. Ouais. Du coup, le film, c'est une production Nickelodeon, puisque Nickelodeon est à l'origine de Dora l'exploratrice. Hein, voilà, l'origine de tous les mots du XXe siècle. Dessin animé pour enfants qui apprend l'espagnol en version anglaise et l'anglais en version français. Voilà. Et du coup, là, on se retrouve dans un film d'exploration où Dora va aller chercher, doit aller sauver ses parents. Qui sont interprétés par Michael Peña et Eva Longoria, qui sont sur les traces de Parapata, une cité antique faite d'or, et ils sont poursuivis par de dangereux mercenaires pour lesquels Shipper travaille. Voilà. Shipper, c'est le petit renard avec un masque de voleur, voilà, pour ceux qui ne le verraient pas. Voilà. Et il y a Babouche, il y a le singe. Il y a Babouche, voilà, il y a Babouche qui est là, qui est magnifique. On peut même y avoir Diego, hein, non, son cousin. Pour te dire à quel point on est bien informé quand même. Hein. Ouais, ouais, on voilà, connaît les ça. Noms. Hein. Non, mais on en a soupé. Hein. Mais du coup, Babouche qui fait aussi cric dans la bonne annonce, parce qu'il ouvre une porte en faisant cric. Exactement. Comme ça. C'est très drôle. Je dis ça. Enfin, voilà. On ne sait pas si on doit rire ou si on doit pleurer, en fait. Voilà, c'est ça. En fait, le problème avec ce film, c'est que si c'était un film uniquement pour les enfants, je comprendrais, en fait. Mais ça a l'air d'être un film qui essaye d'être pour les enfants, pour mais les qui adultes en même temps. Être pour les adultes. Et mais qu'est-ce que c'est gênant de voir cette actrice dans la tenue de Dora alors qu'elle. Oh là là. Non, mais ouais, j'ai vu des meilleurs cosplays. Enfin, il y a des meilleurs cosplays à Japan Expo. Quand ils sont sortis, on aurait dit une parodie porno. C'est pas faux. Non, mais c'est pas faux. Mais sérieux, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. Et ils essaient de faire des blagues pour les adultes, quoi. Des trucs un peu méta et tout, alors que ça voilà, s'y prête mais, pas. Fin... Mais ça s'y prête pas du tout, quoi. Autant faire qu'ils fassent un film vraiment ciblé pour la cible qu'est Dora l'exploratrice pour les enfants, et là on aurait compris. Et encore. Mais non, le but c'est de rameuter la famille, quoi, les ados, les. Voilà, c'est ça, mais. Ouais. Mais c'est vraiment, perturbant hein, quand même, hein, tout ça. Voilà, et je parlais avant de Charlie's Angel, mais là vraiment. On est retourné dans les aussi, années hein. 2000, Scooby-Doo. C'est à ça que ça m'a fait penser. Ça m'a fait penser à la version live de Scooby-Doo. Voilà, cette ambiance vraiment, mais. Au gros coucou Adrien, malaisante à un point. Mais moi, ça me. Enfin, c'est des films, pourtant j'ai grandi avec, genre Scooby-Doo, je l'ai vu au moins 5 fois. Et pourtant, j'aime pas ce film. Je l'ai vu au moins 5 fois. J'adorais quand j'étais petit. Mais voilà, et c'est horrible à voir maintenant, quoi. C'est vraiment, ça te met mal à l'aise. Je l'ai revu quand je me suis abonné à Netflix. Il était sur Netflix, c'est le premier film que j'ai revu. En ayant Netflix il y a 3-4 ans. Ouais, t'as dû passer un bon moment. Ah, mais j'ai rentabilisé mes 12 euros. J'ai fait pour aimer ça, en fait. Non, mais pauvre Scooby qui faisait fake à mort, en plus. Puis les monstres et tout. Non, mais... Et puis Ron Atkinson. Et là, le problème, c'est qu'on est en 2019 et c'est du même acabit. Hein. Alors que Les voilà, films c'est ont quasiment ça. 20 ans d'écart. Mmh. Ouais, ouais. Mmh. Et ouais, non, mais voilà. Franchement, je sais pas pourquoi ce film sort. Il va se rétamer, mais. Oh, oui. Mais ou alors marcher, mais je sais pas comment. Parce qu'on a déjà vu hein, des trucs bien pourris qui marchaient. Ouais, mais je sais pas en fait qui est la cible de des ce projet improbable comme ça. Ouais, non, bon, après, je pense pas. Parce que pas dans l'imaginaire collectif, mais dans la pensée collective. Dora, ça reste quand même la petite fille qui apprend des mots en anglais aux enfants. Et voilà, c'est ça. Et le truc, c'est que... Et tout le monde sait que c'est un peu nul, tout en étant bien voilà, quand même, c'est parce que les petits... Mais après, il y avait quand même ce concept bizarre du fait de répéter ce qu'elle disait à l'écran. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Shipper, arrête de jipper. Il fallait arrêter Shipper voilà, en répétant après. C'est elle. La carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. C'est ça. Bref. C'est ça. Mais du coup, voilà, moi je. En fait, ouais, la cible de ce film, je la vois pas très bien parce qu'il y a personne qui est vraiment nostalgique de Dora. C'est pas possible. Bah, ou pas alors moi. J'ai loupé. Moi non, en tout cas. Hein, j'ai loupé un épisode, même les gens. Mais les gens qui étaient vraiment petits quand Dora a commencé. Mais pourtant, quand tu produis un film, c'est que tu as une cible quand même. Voilà, c'est ça. C'est que tu as fait une étude de marché. Ah oui, non, des mais. Des trucs comme ça. Enfin, voilà. Ou alors c'est que c'était réclamé. Enfin, je sais pas. Mais, mais bref. Quand voilà. Ils font Batman versus Superman, mais tout le monde attend ça en fait. Mm. Mais qui attend ça là? Qui attend Dora? Ouais, voilà. Si non, Disney ils font leur version live de leur film d'animation, c'est parce qu'ils savent que c'est attendu. Mais qui attend Dora? Ouais. Je, franchement, j'ai, ou alors là pour le coup c'est qu'ils ont trop attendu, ils ont trop écouté Alexandre Astier. On va leur donner ce qu'ils pourraient avoir envie de voir, mais alors là pour le coup je suis pas vraiment là, sûr là du que... coup non je sais pas mais alors, en même temps ça a pas dû coûter bien cher ouais je pense vu les effets visuels tout pour Afia ça a l'air d'être de beaucoup tourné en studio hein. Ah oui ouais, mais clairement il n'y a pas, pas de temps naturel ouais. Tout du CGI bien pourrave. Donc voilà. Ben, on vous en dira plus quand. Après, ça se trouve, on repassera ce passage et le film sera multimilliardaire. Peut-être. Oh mon dieu, arrête. Il aura fonctionné comme Avengers. Il y a des signes annonciateurs de l'apocalypse hein, quand même. Hein. Non, mais il y aura un multiverse Dora l'exploratrice. Ouais. Non, mais tout est possible. Le Dora multiverse, putain. Dora multiverse. Tout est possible. Moi, je. Voilà. C'est vrai. Bref. Mais quand tu vois des projets comme ça débarquer, c'est vrai que tu te dis, mais finalement, tout est possible, oui. Voilà. Au cinéma. C'est ça. Alors, c'est à ça. Quand la version live de. L'adaptation live de Angela Anaconda? Oh non. Ça serait. C'est qui m'a filé des cauchemars atroces quand j'étais petit. Enfin, ouais, non. Berk. Même à revoir aujourd'hui, c'est assez. Non, mais c'est malaisant, encore une fois. Ah oui. Comment on peut avoir idée de faire des trucs comme ça? Bref, on va finir avec une dernière chose qui est une rumeur, donc voilà, on n'est pas sûr, c'est pas une vraie news encore. Je préfère mettre ça en termes de rumeur, mais c'est Eddie qui me l'a annoncé et je me suis dit, c'est une rumeur dont tout le monde parle. Voilà. Même les sites plus ou moins quand même, qui ont tendance quand même plus ou moins à relier des infos sérieuses. Ouais. Donc bon. On s'est dit que c'était une rumeur qu'on pouvait quand même prendre en compte. Ouais, voilà. Puis de toute façon, après, on rectifiera si ça voilà, se fait faut pas. Faut bien garder mais en bon, tête que ce n'est qu'une rumeur. Honnêtement, ils sont bien partis pour tout refaire, donc tant qu'à. Bah, oui, ça, mais là, ça pour sortira le coup, c'est, bien c'est, voilà, bon, c'est Disney, voilà. Hein, mais ce serait l'adaptation, quand même, live d'un film qui n'a pas marché. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais donc, on parle de Atlantide, l'Empire perdu. Qui pourrait être un super film live. Ouais, on parle de Atlantide, l'Empire perdu, film sorti en 2001. Qui est un peu dans la même vague mouvance que La Planète au Trésor, ce genre de choses, en fait, des films qui ont de super films en fait d'animation. Enfin, La Planète au Trésor, je suis un peu moins fan, hein, mais moi j'aime bien et je pense que ça pourrait faire un bon film live aussi. Qui ont du potentiel en fait, qui avaient du potentiel et tout ça, mais qui n'ont pas fonctionné au box-office. En fait, ça fait partie de ces films d'animation qui ont été pensés comme des films un peu en prise de vue réelle. Ouais, clairement. C'était moins parce qu'on sortait de la période 90, princesse chantante, etc. Voilà, c'est ça. On n'est plus dans le Disney chanté, dansé et tout. On est plus dans le Disney d'action. Mm-hmm. Et le seul qui finalement fait un peu la jonction entre les deux, c'est Tarzan. Ou Mulan. Ou Mulan, je pense plus. Mulan et Tarzan. Ouais. Moi, je dirais un peu les Mulan, deux. C'est 98. Ouais. Tarzan, c'est peut-être 97. Je me demande si c'est pas juste après Tarzan. Ou 99. 99 ou 2000. Hein, mais Ah oui, oui, oui, non, c'est plus 99-2000, ouais, Tarzan. Mm-hmm. Mais du coup, ouais. Oui, parce que Tarzan, c'était une des premières fois, il me semble, où les enfin, dans les années 90, où les chansons n'étaient pas interprétées par les acteurs. Oui. Enfin, les personnages, quoi, c'était plus des chansons. Ah, c'était, c'était rajouté en fait. Quoi. C'était Phil Collins voilà. qui ouais. avait écrit pour le film, qui chantait mm-hmm. en français et en anglais. Et en anglais, ouais. Il avait fait la même chose pour. Sur Les Frères des Ours. Frères des Ours, que je n'ai jamais revu d'ailleurs. Qui me fait toujours pleurer pour une scène. Bah oui, mais c'est peut-être bien pour ça que je l'ai jamais revu en fait. et. Ouais. Et du coup... Je crois que c'est le premier Disney que j'ai vu en salle. Ouais, du coup, c'était un peu plus des chansons pour illustrer l'instant. Voilà, c'est ça. Mais c'était pas forcément... Enfin, c'était comme... Si, c'était le reflet des émotions des personnages. Mm-hmm. Oui, oui, bien sûr, ça reflétait l'instant. Mais c'était... c'était pas plus des pensées intérieures, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'était plus généraliste aussi, c'était mais pas c'est, le, mais c'était le personnage absolument... Moi, pour moi, c'est vraiment génial. Hein. Moi, j'adore réécouter la bande originale de Tarzan. Hein. Mmh. Ouais, ouais. Elles ouais, sont ouais, toutes... Enfin, ouais. Phil Collins, c'est pas non plus... Oui, c'est pas, non, c'est pas... Voilà, hein, c'est... Et c'est les Frères des Ours, elle est bien aussi. Hein, oui, oui, oui. Mais alors, par contre, j'ai pas revu Frères des Ours, mais par contre, je connais bien la bande originale. Ouais, ouais. Mais puis voilà, oui, Phil Collins, quand même, c'est un artiste... Oh, reconnu. Ah hein, oui, oui, oui, je trouve. Oui, oui, voilà, c'est pas le meilleur chanteur de la Terre, mais c'est pas non plus le pire interprète. Oh bah non, mais écoute, interprète moi, tu mets du Phil Collins, ça ambiance un peu, quoi. Oui, c'est clair. C'est rythmé, bon, bref. Ouais, du coup, on parlait d'Atlantide, qui a rien à voir avec Phil Collins, hein, mais voilà. Qui d'ailleurs n'avait aucune chanson, contrairement à La Planète au Trésor. C'est vrai. La Planète au Trésor avait une chanson, ou deux. Une ou deux, je crois. Ouais. Chantée par David Hallyday. Oh, en France. Oui, voilà, c'est vrai. Oh, punaise, mm-mm. Quelle époque. Quelle époque, oui. Révolue définitivement. mais du coup, voilà, un remake live d'Atlantide avec, encore une rumeur, hein, Tom Holland qui reprendrait le rôle principal. Bah, c'est ce qui, du coup, pourrait aussi confirmer la rumeur, parce que Tom Holland cartonne quand même dans le MCU. Exactement. Tout le monde l'adore en Spider-Man, donc et il marche en plus. Oui, voilà, c'est ça. Les deux Spider-Man, le premier avait bien marché. Endgame, on n'en parle pas. Hein. Ouais, bon, les Avengers fonctionnent très bien. Civil War avait bien fonctionné. Et je pense que Spider-Man n'y était pas pour rien non plus parce qu'il l'avait bien. Oui, parce que c'était teasé. Sa première apparition au sein du MCU. C'est ça. Et après, il n'a pas un rôle décisif dans le film, mais. Est-ce que toi tu ne l'as toujours pas vu? Non. mais du coup, le et Far From Home marche très bien au cinéma. Ouais. Donc, potentiellement, se dire caser Tom Holland sur une version live, pourquoi pas? Franchement, moi je ne suis pas contre. Non, parce que ça peut coller avec. C'est un film que j'aime beaucoup, je sais que tu aimes beaucoup aussi. Ah bah oui, et pour moi c'est fait partie. Qu'on rêverait de voir une vraie suite. pas le 2 qui est sorti en... Ouais, alors ouais, soit faire une suite, mais c'est vrai que là pour le coup j'aimerais vraiment... Là pour le coup ils pourraient me faire un copier-coller, ça me gênerait pas. Je sais non, que... Moi j'aimerais tellement explorer plus l'univers en fait. Bah, parce que... Éventuellement, pourquoi pas nous faire un remake live qui fonctionne du feu de Dieu, et puis après, nous faire la suite. Non, mais, là, bon, pour façon, le coup, je ne dis pas non. Non mais de toute façon, moi j'ai enterré l'idée que Disney referait de l'animation 2D un jour. Ouais, donc oui. Ça me paraît très mal parti. Les énigmes de l'Atlantide, c'était une série en fait. Oui, c'était une série, pour c'était Disney pas un 2. Channel. Mais vu que le film n'a pas marché, ils se sont dit bon, on arrête, hein, on a fait 3 épisodes, on va compiler ça et puis hein, ça marchera. Oui, ah oui, voilà, c'était le. C'était ça en fait. Sorti en direct ou DVD, c'est ça. C'est, hein, c'est ça. Ouais. Je l'ai jamais vu. Non, moi non plus. Je crois que. A raison. Moi non plus. J'avais joué au jeu. Au jeu vidéo Atlantide, qui était très sympa. C'était un jeu d'action qui était très sympa, bon, qui était un petit peu éloigné parfois de ce qu'on voyait à l'écran, mais qui était pas mal. Non, mais ouais, tout l'univers et tout, il est tellement inexploré et tellement sous-exploité. Il y aurait tellement de choses à faire avec que ça... Ouais, pour moi, c'est un remake live qui aurait vraiment du sens de le faire. Quoi. Après, ça dépend de qui ils vont mettre dessus, si ça se fait aussi. Voilà. Alors moi évidemment je rêverais de voir Cameron sur un projet comme ça. que tous les trucs un peu aquatiques, Abyss, ça lui va parfaitement. Mais bon, ça ne se fera jamais. Ou Cameron Disney, je sais pas. Non. Après, Avatar fait partie de Disney maintenant. Et puis, il y avait une attraction Avatar. Oui, à Animal Kingdom en Floride. Voilà. Voilà. Donc dans le complexe, dans le plus gros complexe mondial de Disney qui réunit qui réunit 6 parcs Disney. Ouais. Donc c'est une destination de vacances hein, clairement. clairement c'est voilà. Comme les croisières là. Ouais. Donc j'avais vu les prix de ce truc. C'est... On peut peut-être espérer, mais j'y crois pas trop quand même. Hein. Je pense que déjà il est trop pris avec Avatar. Oui. Non, mais et puis je pense que James Cameron sur un projet de commande, je le vois pas là-dessus quoi. Non, je le vois clairement pas là-dessus. J'espère que c'est pas John Favreau, quoi. Oh non, pas encore. Parce que bon, c'est bon, on en a soupé. Ouais, non, pas encore. Puis, je sais pas, je pense pas que ça lui convienne tant que ça. Mais après, qui pourrait aller dans un univers comme ça, Qui a déjà travaillé avec Disney Ouais. Pas évident, hein. C'est vraiment pas évident, parce qu'il n'y a pas... un inconnu sorti de l'ombre comme on a eu pour justement enfin même la si c'était pas puis tout ça, quoi. Ouais comme on a eu pour Kenneth Branagh peut-être ouais je suis pas chaud je le souhaiterais pas forcément hein, mais ouais non enfin je sais pas franchement je sais pas si je veux passer Atlantide avec la moitié des caméras en ouais mais il l'a surtout fait sur Thor parce que sur les autres films ça se sent bien oui non ça se sent pas c'est vrai c'est un peu un cliché ouais, non, je réfléchis non. Mais là j'ai vraiment Raume Colessera peut-être des univers assez colorés comme ça je ne sais pas c'est ouais. Quaron n'irait pas là-dedans alors que pourtant ça lui irait bien. Oui, mais après, le problème, c'est que les réalisateurs à qui ça irait bien, ils sont trop indépendants pour aller... Après, Quaron a fait de la commande, il l'a fait avec Harry Potter, mais à l'époque, il n'avait pas, ouais, mais il avait pas la notoriété qu'il a aujourd'hui. Voilà. Donc, non, il avait fait Itu Mama Tambien, c'est tout. Hein. Bon, après, Del Toro, il est oscarisé. Techniquement, il est toujours engagé hein, sur le projet de la maison hantée Disney. Là, Putain, ouais. Non, mais moi, j'y crois... Les projets de Del Toro, ouais, j'y crois quand je les vois. Del Toro, ce qu'il veut faire, c'est Lovecraft. C'est... Voilà, les montagnes hallucinées, c'est ce qu'on... Oui, voilà, c'est son désir le plus cher, je pense. Hein. Ouais, mais c'est... Donc, honnêtement, c'est vrai que je vois pas hein, qui pourrait caler là-dessus. Ouais, non, mais voilà, en tout cas, moi, ça m'intéresserait beaucoup de voir un remake Atlantide, et je sais que toi aussi. Ouais, ah oui. Donc, ouais. Et il y a des idées de casting confusées un peu, Stéphane, que tu connais aussi, Margot Robbie pour le rôle de Helga Sinclair, effectivement, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Ouais. Pourquoi pas. Et non, il y aurait plusieurs pistes. Il y en a qui pensaient à Michelle Rodriguez pour Audrey. Mais elle est un peu trop âgée, je pense qu'Audrey, elle est assez jeune dans le film. Mais bon, après, ils peuvent en faire une version plus âgée, c'est pas... Oui, après... Hélène Mirren en Madame Placard, alors je la vois... Pour moi, elle est trop classe et distinguée pour faire Madame Placard. Mais bon, en même temps, tu me diras, elle a joué dans Fast and Furious, donc c'est qu'elle est quand même ouverte à plein de trucs. Ouais, mais elle avait besoin d'argent aussi. Oh, je pense pas, pour Hélène Mirren. Oui, ouais. Donc, pourquoi pas. Mais c'est une actrice qui a un potentiel comique assez sous-exploité, hein. Donc... C'est vrai. Elle n'avait pas joué dans Red ? Oui, justement, c'est pour ça que je dis ça. Et elle était assez drôle, d'ailleurs, dans Red. Ah oui, moi, c'est un projet, oui, ce serait cool hein, que ça y aille. Hein. Donc, limite, on a envie de se dire que bon, faut pas que le Roi Lion il bide pour qu'il continue à faire des remakes pour faire Atlantide. Voilà, c'est ça. Mais il y en a d'autres en projet. Hein, ouais. Notre-Dame, c'est Nobossi Notre-Dame, c'est en projet. Hercule, ce sera en projet aussi. Il y aurait potentiellement... Alexander Skarsgård qui pourrait faire Hercule. Donc là, pour le coup, ce serait une version beaucoup plus âgée de Hercule. Parce que dans le film d'animation, il a 18 ans. Oui. Donc, je ne sais pas. À voir, mais a priori, Disney reste sur sa lancée de faire du live. Faire du live de ses anciennes gloires. Et a priori, du coup, de faire des suites des lives. Parce qu'il n'y a pas une suite de live prévue pour le Livre de la Jungle aussi. Non. Attends, j'espère pas, parce que le Livre de la Jungle, quand même. Touchez pas à mon Livre de la Jungle. Non. Je sais pas. En tout cas, ouais, non, c'est. Disney, les lives, c'est. Comme j'ai dit, j'attends énormément Mulan et tout ça, j'aime bien. Mais j'aimerais bien aussi que. Soit ils nous sortent des films live inédits. Ouais. Ça fait très longtemps qu'ils l'ont pas fait. Bah, pas depuis. Enfin, non, bah, y en a... si. Il y a, ouais, y a Artemis Fowl quand même. Il y a quoi? Artemis Fowl qui doit sortir. Ah oui, oui, oui. Il avait oui. été repoussé, alors bon, c'est jamais bon signe. Mais... Non, bon, après, ouais. bon, maintenant chez Disney, je pense qu'il va pas falloir prendre les sorties repoussées. Va pas falloir ouais. prendre ça comme quelque chose d'hyper négatif. C'est juste que les. Ben maintenant, ben forcément, quand tu rachètes la moitié. Ils ont tout le planning. Voilà. Quand tu rachètes ouais. trop de studios et puis de machin, forcément, tu te retrouves avec un planning impossible à gérer. Ouais. Et tu peux pas sortir un Star Wars et un Avatar en même temps et tout ça. Donc, à mon avis, ouais. les sorties repoussées chez Disney, faudra peut-être pas voir ça trop d'un mauvais œil non plus. Ouais, ouais. Je non, pense mais... que ce sera plus dans un souci de faire en sorte que le film marche, quoi. Oui, c'est clair. Ouais. Donc voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là. Oui. Quand j'avais dit que c'était une petite émission, finalement. Oui, bah non. C'est jamais une petite émission. Merci à vous tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à toi, Eddy, d'avoir participé. D'être revenu, du coup. Ouais, oui. Pour le reboot de Parlons Cinéma. Le reboot du Parlons Cinéma. Voilà, c'est ça. On fait un remake live. La version 2.0, ouais. Exactement. Du coup, je vais rappeler un peu toutes les informations par rapport à Movies Nerd. Déjà, je voulais annoncer et rappeler, si vous ne l'avez pas vu, le site Movies Nerd a changé oui. de peau. Il a aussi été remaké. Voilà. Il est plus beau, plus neuf, plus contemporain. Ah, moi j'aime beaucoup. On n'en a pas trop reparlé entre nous. Ouais. C'est vrai que j'aime beaucoup cette nouvelle présentation. Je trouve que les critiques sont. Elles sont mises, je trouve, mises à leur avantage. Oui, oui, oui. Voilà. Oui. Elles sont enjolivées. Et puis le système de notation à la fin, du coup. Voilà, on a un nouveau système de notation aussi pour les critiques. Moi, j'aime bien. Je trouve les plus et moins. Ça te permet aussi de faire un bilan aussi de. Non, non, c'est très bien. Voilà, donc on vous conseille d'aller voir la nouvelle formule si vous ne l'avez pas encore vue. C'est voilà, moi j'ai passé un peu de temps dessus, mais je voulais vraiment faire quelque chose de chiadé, quelque chose d'assez. Qui fasse pas trop tape à l'œil, et je trouve que j'ai plutôt bien réussi oui, oui. sans trop me jeter oui, de fleurs. Oui, ça reste voilà. Ça reste c'est... nous quand même quoi, c'est pas voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est, oui. C'est... Donc voilà, donc moviesnerd.net pour voir ça, pour voir les critiques, etc., voir les émissions. Comme dit, on fait le podcast Movies Nerd, on fera un bilan hors série de l'été, et on sera pour... alors là on va avoir des films en pelleté hein, parce qu'il y a mai, juin, juillet, août, donc attendez-vous un podcast de 4 heures. Ça va être le... J'espère pas, mais non, on va se limiter, on fera des. Non, voilà. Moi, je vais de toute façon, je vais parler très rapidement des films que j'ai vus en mai parce que j'en aurai pas beaucoup de souvenirs non plus, donc voilà. Et aussi un hors-série. On n'a pas encore annoncé sur quoi sur les réseaux sociaux, mais un hors-série saga avec Adrien et aussi Eddy. Ah oui. Et là, l'impatience est grande. La patience est grande. Et donc, ça veut dire que du coup, tu les auras tous vus. Je les aurais vus. Voilà, petit indice pour les auditeurs qui sont très attentifs. J'aurais vu tous les films dont on va parler, puisque je n'ai vu que les trois premiers. Alors là, c'est un petit indice. Oui. Clin d'œil. Voilà. Du coup, et ça sortira mi-août. Normalement mi-août, à peu près. Pour les réseaux sociaux, Movies Nerd, c'est toujours sur Facebook. Sur Twitter, c'est Movies_Nerd. Instagram Movies Nerd _ officiel, il me semble. Voilà. De toute façon, tous les liens sont dans l'article. Justement, les liens des news, en fait, si vous voulez relire ou si vous n'avez pas bien compris ce qu'on a dit ou si vous voulez voir une bonne annonce, tout est dans l'article du podcast Parlons Cinéma épisode 33. Pour noter le podcast sur iTunes et sur PodCloud, c'est très simple, hein. Il suffit d'y aller et de nous mettre des étoiles, etc. et de mettre un petit commentaire, et ça nous fait monter dans les classements des podcasts francophones. Et même si on a arrêté Parlons Cinéma, et ça, apparemment, ça a quand même continué à être téléchargé, tout ça. J'étais assez étonné de voir ça. Ça continue d'être écouté assez fréquemment. J'espère que ça vous fera plaisir qu'on reprenne les Parlons Cinéma. Pour ceux qui étaient déçus de ne plus voir de ces émissions. Pour moi, personnellement, vous pouvez me retrouver sur sur Twitter, sur Sens Critique, sur Movies Nerd, sur Steam aussi, parce que maintenant je passe toute ma vie dessus. c'est The Lexal, THELEXAL. Voilà. Eddie, pour toi. Alors, bon, on va passer les plateformes de jeu, hein, parce que oui, y en a trop. Donc Steam, Uplay, Origin. Bon, si, c'est les trois principales. Voilà, c'est ça. Ça va. Donc c'est Eastark. Ou Eastark 91, c'est l'un ou l'autre. De toute façon, il n'y en a pas 36 des Eastark. Ouais. Ensuite, bah, sur Sens Critique, sur Movies Nerd. C'est Eastark. Voilà, tout simplement. Voilà, sur le Movies Nerd Facebook, c'est pareil, c'est Eastark aussi. Mm. Et enfin, sur Twitter, c'est... Ça a changé. Ouais, Eastark au film, un truc comme ça. Non. C'est plus maintenant, Eastarkosaurus, c'est ça. Ah, voilà, Eastarkosaurus. C'est ça, Eastarkosaurus. Okay. Moi, j'ai dit, bon... Bah oui, tant qu'à faire. Hein, voilà. Moi, j'ai bien marqué accélère. Voilà, exactement. Exactement. Donc, Eastarkosaurus sur Facebook. Eastarkosaurus, ouais, ok. Bah, tous les liens seront dans l'article, comme j'ai dit. Merci encore d'avoir écouté ce podcast. Sur Twitter. Oui, sur Twitter, pardon. Merci encore d'avoir écouté ce podcast qui fut, ma foi, assez long. On vous donne rendez-vous à peu près dans un mois pour le prochain Parlons Cinéma. Et ben d'ici là, on vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et sinon, ben, profitez du soleil, ne prenez pas de coups de soleil, buvez fréquemment. Hydratez-vous. On fait le message de prévention en même temps. Oui. Il faut voilà. En même temps, c'est bien. Exactement. Et ben, du coup, on vous donne rendez-vous à la prochaine. Salut. Salut.